sont à outrance. Tellement je blâme, je vole, tellement je vole, je blâme, putain. Plus rien n'a aucun sens, mais c'est vrai. La fin de la chanson, tu la connais, yeah. J'suis dans la ligne de mes réseaux, regard m'assassine. Mes yeux commencent à briller. Si elle fait le premier pas et me prend pour sa cible, j'vais pas me faire briller. J'suis le meilleur qu'on disait, mais je perds pas la tête. Tout ce qu'il faut pour te faire kiffer. Pour te rendre à la première fois, c'est gratuite. La première fois, c'est gratuite. Si ou ka échoué, man, ni la respond fi dat. Et si man dwe ou débloque la, trouve moi 4 hypocrites, faya bun dat. Faya bun dat. Se me ki toujou fè, ou pa jwa fè yon patat. Si ou ka échoué, man, ni la respond fi dat. Et si man dwe ou débloque la, trouve moi 4 hypocrites, faya bun dat. Ta propage kon rat. Y toujou an ba fè, y a yen, y pa karate. Ou di bel fiji, men l'esprit akade. Kou y ple de ba tout moun, paske man pa rate. Yo balé à cibé, acta yo. Yo caché yon love, pléton dit qu'à c'est pas yo. Bon service, vous tapez mal d'eau. Attends, moi, café, libre, yo, hypocrite. Faya bundat, faya bundat. C'est bien qui toujours fait, ou pas, j'en fais en patate. Si vous gagnez, je vais m'en mettre, mais pas une filade, filade. Et si moi, je vais vous débloquer, là, tout le monde, mais qu'à t'hypocrite, faya bundat. Yo caché, j'ai prêt, vous mettez ma ginger. Police l'a dit que mon café est obsède. Pété pas de là. Marie m'a dit, moi, on y doit, c'est la peine. Juge là. Puis ça fait peine, moi, là, je suis encore plus mineur. 8 heures du matin, ouvre la porte. Regardez, chami, y'a besoin de la knee-up. Y'a décidé que c'est moi qui vend up. Fouillez, trouvez, balle et piglock. Montrez-moi une photo, on pas connaître ça. Où j'en connais, nous même nous pas des lance-bas. Où parlez pas les garçons. Allez dormir la nuit, la débarque l'histoire. Pour mon frère qui l'a genre la frio. Mon badon pas mi frio. Mon rail c'est mettez le vin là. Tout petit, ton pique la radio, cabaye, ton dépend plein de gaffa. Pour mon frère qui l'a genre la frio. Dans la pompe, il frio. Mon rail c'est mettez le vin là. Tout petit, ton pique la radio, cabaye, ton dépend plein de gaffa. Travail, rendez-vous centre pénitentiaire. Yo si mes bas nous semi-liberté. Permission, refusez, maudit, rien nous pas fait. Surtout là, yo talon est pour pousser. C'est bête à la capable au maltaise. Parfois, bat baya carré dissopie. Surtout l'homme pas gain, tu pour la tête. En camande, j'ai tiré une haine. Pour son friend qui l'a genre la frio. Pompi DJ frio, man. Mon rail, j'ai mettez le bel à tout ton petit ton pique la radio, cabaye, ton dépôt plein de gaffa. Pour mon frère qui l'a dans la frio. Mon pado dans la frio. Mon rail c'est mettre le vin là. C'est tout petit, mon pique la radio quand pas. Il t'en fait pas plein de gaffes. Non, non, mon palais retourne là-bas. On laisse à la big up fire. 10 ans, 20 ans, la jolle pas molle. Stéphane dit qu'il n'y a pas fait du contrôle. Pour mon frère qui l'a dans la frio. Mon pado dans la frio, man. Mon rail c'est mettre le vin là. We love them, we sing this girl them. We love them. Moi c'est le clean mais pas easy. Car le mollet dégonge une attaque physique. Le biffeur, Tijo Sound, sur Trace FM. Yo, Tijo Kane, ouais t'as là. Salasson spécial, dédicace bas tous les Caribbean girls que c'est place là. Femme qui s'awine et c'est son abasse là. Admirable si y'a plus les là. Tous les mots j'envoie un tour. Nos gars, mes dames les bien en vrai. Passe tout night, mon rêve est au fly. Caribbean girl, We love them, West Indies girl, them. We love them. Le Bifor. Pendant une heure, Tijo Sound mix tes hits préférés sur Trace FM. It's about that time. Émission dans 30 secondes. Aïe, bon Dieu! Vite, on a qu'une fenêtre de tir de 30 secondes. On s'équipe, les gars. Appuie sur le bouton. Quel bouton? Il y en a des millions de boutons. super-héros? Lui, c'est Yannick, notre chef qui n'a peur de rien. On les vanne, on les piège, il faut que ça saigne. Nessie, c'est la brute épaisse. Pourquoi moi? Pourquoi vous m'embêtez, les gars? Enfin, bref, passons, Sabri, c'est un vrai génie. Et moi? Élégant et irrésistible. Et mec, ça te dérange pas si on démarre l'émission? Bref, on est la génération 9-7. Lancement. Trace. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Prend la parole dans la première libre antenne des Antilles Guyane. Génération 9-7. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Yannick, ça va? Eh bah écoute, en pleine forme. Ouais, Sabri. Jeune fougueux. Développe. Pourquoi jeune fougueux? Bah je sais pas, t'es rentré dans le micro, en fait on avait l'impression que... Tu sais, genre t'avais faim. Mais j'ai faim. Genre t'as faim d'antenne ce soir. Ouais, j'ai faim. T'as faim de canular ce soir. De cocoteur. Ah oui, d'accord, t'as faim de cocoteur, ok. Bon bah on va arrêter de te suivre là, on va te laisser y aller tout seul dans tes aventures. Mister Hugo, comment ça va toi? Ça va, tranquille. Bon bah posé, cool. Sabri. Hey! Miss Nessie! Yeah! Bon, ça va, Kishi? Ouais! Ça va mieux? Ouais! On dirait que t'as repris un peu depuis la gastro-entérite. Hein. Ouais! Tu vois, t'as recommencé à t'alimenter normalement, c'est-à-dire environ 8 sandwichs. T'as vu ces baskets? On dirait que sa grand-mère les a tricotées. J'ai jamais vu baskets. Des baskets comme ça, moi. Fais voir tes baskets. Vas-y, lève le pied. Ça va, elles sont cool. À vous. Alors je sais pas si c'est cool, j'ai pas bien vu parce qu'il a évidemment pas pu garder très longtemps le pied en l'air. Attends, il va me la jeter dans le visage. Attends. Attends, déjà non, les autres. T'as mamie qui a fait ça pour toi. Alors fais voir, vas-y, envoie. C'est du crochet. Alors par contre, je sais pas si c'est une bonne idée. Il l'a enlevé. Est-ce que ça sent? Non, c'est tout neuf. Et c'est prêt, c'est. C'est des baskets. T'as vraiment senti ces chaussures? Ah, mais oui, mais ça va, ça pue pas. C'est quoi ces baskets, Kishi? C'est quoi? Easy. C'est easy? Mais comme c'est easy. Il y a des gens qui vendent ça ou alors c'est vraiment ta grand-mère qui l'a tricoté? Les gens vendent ça. Et c'est super sympa. Et ça s'allume. Donc en fait, comme ils ont tout mis dans la semelle qui est claire, en fait, ils ont pas assez d'argent pour le tissu de la chaussure. Donc ils font tricoter ça dans des usines indonésiennes, ok, le haut, mais le bas est fabriqué pas très loin à Taïwan. Ça sort de Chine. D'accord, oui, bah les deux, de toute façon, les deux parties. Hein. Sauf que la différence, c'est qu'avec les chaussures, on savait déjà qu'ils faisaient travailler les enfants en Chine. Maintenant, avec ce type de chaussures, ils font travailler aussi les mamies. Prends une photo, mets-moi ça sur les réseaux sociaux. Hey, envoie-moi ça sur Snapchat là, parce que franchement, est-ce que vous trouvez ça super swag? Moi je trouve ça original. On dirait que ça a l'air. Le problème de cette chaussure, c'est que t'as l'impression que ça sort du commerce équitable. Tu as l'impression qu'effectivement. Exactement ça. T'as l'impression. Ouais, tu as vraiment l'impression en fait que genre, il y a un mec qui s'est penché, il s'est dit, il y a quand même des villages qui meurent de faim, on va les aider au développement. Attention, notre basket coûte un petit peu plus cher, mais c'est évidemment pour pouvoir construire un réseau scolaire à travers ces villages qui nous ont aidés à construire cette aventure. Pareil. La semelle est comestible au bout de 3 ans. Vous pouvez manger cette semelle. Elle est issue du commerce équitable. C'est ça ou pas? Ça coûte cher ou pas cette merde? 25 euros. Oh, ça va. Ah, pour des chaussures qui font de la lumière, ça va. Ouais, ça dépend. Il y avait vraiment la réponse du riche, tu sais. Oh, ça va, 25 euros. Il y a 2 euros reversés aux enfants malades qui donnent déjà leurs cheveux. Bon. Genre, on est en train d'inventer toute la légende de la basket. Ça se trouve, ils en ont vendu que 3 hein, pour l'instant aux Antilles-Guyane. Mais là, en en parlant, ça y est, ils vont être débordés par les commandes. Et ça s'achète dans le commerce ou c'est un mec qui vend ça à la sauvette, en fait? Non, j'ai pris ça directement en Chine. Quand est-ce que t'as été en Chine? Non, j'ai commandé. Ah, c'est pas pareil. Parce que si t'avais pris ça en Chine, mec, je t'aurais dit, bah, va m'en chercher une. Mais donc, c'est pas ça. Donc, t'as acheté ça en Chine, t'as commandé en Chine. Et ça coûte 25 euros. Ouais, 25 euros. Et c'est le pur swag en ce moment, tu te dis, c'est super sympa. Bah, en fait, théoriquement, je les ai prises surtout pour la moto le soir. Parce que, bah, comme ça s'allume, c'est plus pour qu'on puisse mieux me voir. Mais LOL! Mais un poteau! S'il pleut, tu es foutu. Non, s'il pleut, c'est étanche, ça. Il a des baskets lumineuses, mais sauf que la chaussure nous intrigue vraiment. Vous mettez une petite photo lâchez vos comments là sur Snapchat, TraceFM 97 0820 203 200. Au programme de la soirée, évidemment, on est en super forme. Bro. On va déchirer la bande FM, on va faire du canular ce soir. Il y aura aussi évidemment du cocoteur, du Hey Baby Allo. Nous allons évidemment déranger des personnes avec Kalash en personne. Hashtag G97, hashtag Trace FM pour nous filer les numéros de téléphone 0820 203 200 pour débarquer en direct. On jouera également avec une paire de chaussures, celle-là aussi fabriquée en Chine, mais celle-là est beaucoup plus tendance. Nike Air Max a gagné. Ouais, il y a le double hit qui va retentir ce soir. Normalement, il y en a un par jour, il n'a pas encore retenti aujourd'hui. Bah, c'est logique, c'est forcément ce soir, c'est presque téléphoné, quoi. Ça veut dire que c'est vraiment au plus vigilant, au plus rapide, dès que vous entendez Cécile qui débarque, avec 7 hits. Yeah, man. Avec 7 hits. Avec 7 hits. 7 hits. Avec ce hit. Avec 7 hits. Ou alors quand elle débarque juste derrière avec ça, tu sais, ça c'est Huggy, Dance For Me. Ces deux titres qui s'enchaînent, et ben, la vérité. Tu débarques 0820 203 200, tu repars avec ta paire de chaussures. Il y en a un qu'on n'a pas salué, pourtant il est tous les soirs. Il est le DJ officiel de Génération 97, Ladies and Gentlemen. Ladies and Gentlemen, Tijo Sound. Wow. Yeah, baby. Tu nous lâches un petit Wally My Beat, tu fais ce que tu veux derrière, on revient avec du Hey Baby Allo. On appellera également Tamilia. Attention, Tamilia est Saint-Martinoise. C'est chez nous, c'est la maison, c'est la case. Elle est notamment dans l'aventure The Voice Kid. Elle a beaucoup ému de gens et beaucoup de gens de la zone caribéenne se mobilisent autour d'elle parce que mine de rien, une caribéenne qui gagne The Voice Kid, quand même, ça pourrait le faire. Et mine de rien, elle a besoin de nous, elle a besoin de nos votes. Et puis surtout, c'est une petite personnalité très sympa à découvrir. Elle débarque dans une vingtaine de minutes dans Génération 97. On a Nanou aussi avec nous au téléphone, première auditrice de la soirée. Salut Nanou. Hello. Nanou a 22 ans. Elle nous appelle de Saint-Laurent-du-Maroni. Bonsoir Nanou. Allô? Nanou. Je ne t'entends pas, Nanou. Oui, je suis là, bonsoir. Ça va bien? Ça va, et vous? Eh ben, cool. On va parler d'un fait d'actualité avec toi. Un truc qu'on a un peu évoqué hier soir sans trop comprendre forcément l'histoire. Toute une émulation autour d'un professeur. Et c'est toi qui vas nous en parler dans un petit instant, Nanou, parce que, bah, visiblement, c'est un peu chaud bouillant en ce moment. Je trouve qu'il n'y a rien qui passe comme blague, comme, enfin, il n'y a rien qui passe en ce moment à SLM, hein. Les gendarmes, ils interpellent quelqu'un, ça passe pas. Tu vois, bon, c'est à chaud. À la base, ils étaient venus pour un canular en pleine nuit, mais bon, les gens n'ont pas pris ça. Hein. C'est bizarre. Franchement, on a l'impression qu'il y a un mood un peu spécial en ce moment du côté de SLM. Hein. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Oui, il y a eu un problème, il y a eu une émeute, il y a eu une histoire. Et de là, c'est parti en vrac. Et maintenant, Saint-Laurent est un petit peu chaud en ce moment. Donc, Tu vas nous donner les détails dans un petit instant, tu bouges pas mal à nous. SLM, bonsoir, oui. Fort-de-France, bonsoir, Pointe-à-Pitre, bonsoir, Cayenne, bonsoir, Saint-Plus, bonsoir, bonsoir, Le Gosier, bonsoir, Bastère, bonsoir. Mais vous savez quoi, partout dans la Guadeloupe, partout dans la Martinique, partout dans la Guyane, Trace FM, ça passe. Là, ils sont là, Timal. On revient dans un petit instant, 0820 203 200, la génération 97 démarre maintenant. Better than a Maradona. She got her own, she don't need no ticket. She get it, yeah, she got it, so you know I had to get her. She my NYPYT. She my NYPYT. She my NYPYT. She my pretty young thing, and I do anything for her. I love you, pretty young thing. You need some loving from a real one. Tryna do too much but come through. Cartier frames too much but it's cool. The only thing strange, they won't get off you. Tell you wanna ride up, well I got a ticket out. And later we can hide out. Tryna get a message, now I'm all up in your mind now. Cool, I get you, but you can't figure mine out. See I'm quite different, a James Bond with a Saint Laurent fetch. And thank God I never had a baby mama either. Snapchat shot, flash that for me. Clap back, that's not for you. Give her 50 feet, fell in love in a week. She penetrating my mind, I penetrate that physique. I would believe, kicking that chemistry. Limit to me, she give me kiss on the cheek. If you ask me, girl, I change and I don't like that. No, do not make everything go to waste, baby. Please fight back. Wow, have some faith in a man who no grow like that. No, I make you do the done that. No, we woulda never do you that. No, no, no way. No sacrifice happiness because of ego. No, no believe everything what you see in the media. My stress don't come miss my friend. Them no understand or get to show up them. You mean the world to me, no girl. Oi, you no answer that me no true then. Can't believe you get a new friend. As if I know me then I would then. You give up on me. Quand elle monte dans la gova, je claque des doigts, enfin une peu bois. Coupe de champagne, bébé, dans toi. Ce soir, tu ne rentres pas chez toi. Non, non, non, tu ne rentreras pas. Non, non, non. Elle sourit, se colle à moi, ses fesses sur moi font bam. Elle suit le son, à sa bonne son. Un doux suçon, elle soupire et frissonne. Will you be my, will you be my girlfriend? Will you? It's Charlie. I love your smile, your sexy charms. I have to have you in my arms. Please say yes, you're giving me a chance. I'll give you time and enough romance. I'll never hurt you, no, no, no. Won't disappoint you, no, no, no. I'll earn your trust, I'll earn your heart, I'll earn your la, la, la, la, la, la. History, shining stars, all love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than the lonely day. It's our time to go. Dance with me one more time. Time, time. Son 0800 22 103 200. Une chose est sûre, le soir la radio est encore plus libre. Oui. Big up Tijo Sound, hashtag G97, hashtag Trace. 0820 203 200. Le soir, tout est permis dans Génération 97 sur Trace FM. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Un petit coucou à Little Mum, il y a Mademoiselle Sissi ou encore Ashley qui se connecte avec nous. Ça, c'est sur Twitter. Et sur Snapchat, il y a Dorémy et Betty qui aiment beaucoup les chaussures de Keshi qu'on a mis sur le Snapchat. C'est marrant, sur ton Twitter, toi, tu arrives à identifier les gens. Sur le mien, moi, je vois juste des cheveux crépus qui arrivent. Ça, mais non, il y a Ashley derrière. Mais, bah, donc voilà, je comprends que c'est Ashley, mais je vois juste les cheveux crépus se connecter sur mon Twitter et je vois plus rien derrière, quoi. Hashtag G97, hashtag Trace FM, 0820 203 200 également sur le net www.trace.fm. Dans un petit instant, on discute avec Nanou. On est connecté avec Saint-Laurent du Maroni ce soir. Il y a vraiment du remue-ménage pour plein d'histoires différentes du côté de Saint-Laurent du Maroni. Il y a aussi les breaky news. Avec, pour commencer, on parle de quoi ?

qui parle. Comment son nom? Elle s'appelle Vanessa. Elle s'appelle Vanessa. Écoute-moi, petite. Génération 97, le meilleur de la semaine, la crème de la crème des conneries de la semaine, en rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 97, aussi dispo sur trace.fm. Trace FM, toute la semaine, de 14h à 16h. Reste scotché à ton poste pour deviner les sons de la prog de Trace. 14h, 16h, 16h, 16h. C'est quoi ce son? C'est quoi ce son? Dès que tu entends le signal, écoute bien le son qui suit. Appelle-nous au 0820 203 200. Dis-nous qui chante et c'est gagné. C'est quoi ce son? T'as deviné? Appelle et repars avec ton kit Trace série limitée t-shirt plus sticker plus pochette mobile étanche pour ton smartphone. Génération 97. La plus grosse libre antenne des Antilles Guyane sur Trace FM. T'attends quoi? Débarque au 0820 203 200. On est de retour dans Génération 97. Mada, Guadayana, qu'est-ce qui se passe tout à l'heure, mon Hugo? On aura Dimitri, il a du talent, il chante et il a envie de nos avis, de l'avis des auditeurs aussi. On a du Hey Baby Allo aussi. Alors, le Hey Baby Allo, on le compose au gré des numéros que vous nous envoyez. C'est pas super compliqué. Vous connaissez quelqu'un qui aime Kalash ou quelqu'un qui déteste Kalash? Les deux sont éligibles. C'est pas compliqué. 0820 203 200, également sur le net www.trace.fm. On compose le numéro de téléphone et on leur passe Kalash, parce que Kalash, désormais, est, comment dirais-je, le nouvel animateur de Trace. Hein, il nous rejoint tous les soirs pour réaliser des pièges et des canulars. Ça ressemble à ça. Donne-moi deux petites secondes. Allô? Hey baby, allô? Allô? Hey baby, allô? Allô? On se tue à moi dans ton lit. Ouais, avec Pokémon, moi. Ça s'est passé hier soir. Ouais, quand ton mec est la dernière solution, le dernier rempart. Ou alors, tu sais, la meuf, elle a tellement peur de se faire des rides en criant. Elle dit, chérie, tu peux l'insulter pour moi. Hashtag G97, hashtag TraceFM, un nouveau numéro de téléphone. Peut-être celui que tu nous envoies. Rendez-vous en PV. Ou alors, vous nous envoyez ça également sur Twitter. Hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820 203 200 pour nous joindre en direct dans le standard. D'ici là, nous sommes avec Nanou. Welcome to Saint-Laurent du Mahoni. SLM. Pour faire plus branché. Ouais. C'est le hashtag de ce début de soirée. Saint-Laurent du Mahoni, magnifique commune. Probablement un jour ou l'autre, ça deviendra la capitale de la Guyane. En ce moment, niveau actualité, c'est presque déjà la capitale de la Guyane. Je veux dire, à la limite, Cayenne, tu sais, ils sont juste en train de se dire mais qu'est-ce qui se passe à Saint-Laurent du Mahoni? On est plus dans le game ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bref, nous sommes avec Nanou. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Saint-Laurent du Mahoni? C'est chaud quand même, Nanou, hein. Oui, l'ambiance est un peu tendue en ce moment. Et ça s'était calmé. Et l'enseignante a lancé des propos sur les réseaux. Ce qui fait que, voilà, hier matin, il y a eu... La toile s'est enflammée, quoi. Clairement, et puis des gens... La toile a commencé à s'enflammer depuis avant-hier soir. Ouais, ouais. Hier matin... Ça, voilà, ça allait de partout, il y a eu ça à France-Guyane, et l'après-midi c'était sur Guyane Première, la pacheuse de Guyane Première, le soir l'actualité de Guyane Première. Du journal télévisé, ouais, forcément, ouais, voilà. ouais, clairement. Clairement. Donc ça a pas mal bougé, ça a fait parler effectivement. On a vu le petit reportage aussi. Et puis nous, c'est vrai que dans l'après-midi, on a été un peu sensibilisés forcément à cette histoire. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de trucs. D'ailleurs, au salut, comme tu l'as bien fait, on peut le faire aussi. Hein, on salue nos copains de Guyane Première. Salut. Hello. Yes. Et puis au passage, en fait, on rappelle un petit peu les faits, l'histoire, parce que tout le monde n'est pas peut-être forcément au courant de ce qui s'est passé. Saint-Laurent du Mahoni s'enflamme la semaine dernière. Pourquoi, Sabri? Parce qu'il y a un mec qui a été interpellé à son domicile, donc ça s'est passé un peu. C'était au milieu de la nuit. Il y a eu sa mère apparemment, ou sa sœur, qui a été mordue par un chien, et ça s'est enflammé. Les mecs ont été demandé des comptes devant la gendarmerie. Le maire aussi s'en est mêlé. Il y a eu des reportages, des pneus qui ont été enflammés. Mm-hmm. Ils ont mis ça un peu devant les bâtiments administratifs. et c'était un peu c'était chaud pendant la nuit. Alors forcément c'est vrai, ça, les gens de loin titraient aussi des émeutes à Saint-Laurent-du-Maroni. Toi qui es inside Saint-Laurent-du-Maroni, Nanou, alors bon, c'était vraiment des émeutes, c'était vraiment vraiment chaud bouillant, ou alors bah forcément la presse a un peu exagéré le truc. Non, c'était vraiment une émeute. Et pratiquement tout le monde était choqué de cela. La plupart des gens, comme moi, ma génération, j'ai jamais vu ça sur Saint-Laurent-du-Maroni. On sent qu'il y a quelque chose qui met la population à cran. Je sais pas exactement forcément ce que c'est, et c'est pas un truc propre à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est propre partout, hein, de toute façon. Où qu'on soit en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, on sent que les gens sont à cran, ça, en cette rentrée. Et que forcément, ça tient qu'à un fil, tu sais, où on dit souvent c'est la goutte d'eau qui fait exploser la poudrière. Ou alors c'est le... Déborder le vase. Ou c'est l'étincelle qui fait déborder le vase, je sais plus exactement dans quel ordre. Et en fait, voilà. Si tu veux, c'est vrai que là, ça se calme, entre temps. Ça redescend, la pression redescend autour de cette première actualité. Et puis, il y en a une deuxième qui s'enclenche, en fait. Cette deuxième, pour prendre l'histoire depuis le début, exactement, qu'est-ce qui se passe, Sabri ? Alors, elle n'est pas vraiment étrangère, la première, parce que c'est une enseignante, en fait, sur les réseaux sociaux, toujours par rapport aux émeutes qui ont eu lieu, qui fait un commentaire qui dérange. Elle dit, si nous, les métropolitains, on n'était pas là pour éduquer vos enfants, qui le ferait ? Ah ben, apparemment, pas vous, puisque vous êtes incapables de le faire. Alors, il faut savoir que cette dame est enseignante, et que son mari est gendarme et qu'il a fait partie des gendarmes qui étaient un peu agressés pendant cette nuit d'émeute. Qui a donné l'impression à la population que, en tout cas, pendant l'interpellation était trop violente. Okay. Voilà. Et à la suite de ça, il y a eu des propos un peu quasiment racistes aussi à l'encontre des gendarmes. Donc cette dame énervée a tenu ses propos qui n'ont pas été acceptés par l'académie. Et donc elle est virée aujourd'hui. Voilà, elle a été mise à pied et pour l'instant elle n'enseigne pas. Et normalement elle ne devrait plus du tout enseigner sur le territoire de la Guyane. Nanou, ton point de vue sur l'histoire en direct, inside, ambassadrice là de Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, est-ce que chaque chose qu'on vient de dire en fait est exacte ? Oui, exact. Ok, ton point de vue par rapport à tout ça, parce que tu fais forcément partie de la population, il y a des choses qui se disent parfois dans la rue, des choses qui ne se disent pas parfois à haute voix. Toi, ton point de vue, c'est quoi sur cette situation ? Là, j'étais choquée, je me réveille, je dis ça sur Facebook, j'étais choquée, je me dis, mais attends, elle a pété un câble, la dame ou quoi ? Et j'ai lu les messages, j'ai lu les commentaires, j'ai lu les propos, j'ai commencé à me poser des questions et tout. Et je suis vraiment allée sur la page de la meuf et bon, elle a supprimé son Facebook. Malheureusement pour elle, il y a ceux qui avaient déjà fait des captures, les gens avaient déjà fait des captures. Et ils ont commencé à poster ce qu'elle avait mis. Et en lisant les propos de cette dame, j'ai trouvé ça scandaleux. Elle a même continué en disant, la preuve, le 5 de chaque mois, quand nous on trime pour apporter un peu d'éducation à vos gamins, vous vous faites la queue à la poste. Oui, mais par contre, là... Elle a raison. Je dis pas qu'elle a raison, mais... Mais c'est la vérité. Mais ça te fait chier de dire qu'elle a raison, mais elle a raison. Oui, oui. Ouais, en même temps, bon, de toute façon, on se doute bien que les propos polémiques, c'est souvent des caricatures. Et forcément, ça exagère tellement le trait. Même si le trait est existant, je veux dire, à un moment ou à un autre, la caricature ne naît pas de n'importe quoi, quoi. Et moi, j'aimerais avoir ton sentiment. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se mobilisent autour de cette prof en disant que c'est quand même une bonne prof. À un moment ou à un autre, est-ce qu'on n'a pas le droit aujourd'hui, par rapport aux réseaux sociaux, machin, etc., d'avoir un écart de langage ? J'avoue qu'il est costaud, hein, quand même, hein, l'écart de langage. Mais ça peut en être un, ou à aucun moment tu imagines que ça puisse en être un ? Moi, je dis qu'elle a osé, parce qu'il y a des propos qui ne sont pas... On ne dit pas tout ça sur Facebook, tu les gardes pour toi, mais si tu les ressens sur toi, tu gardes tout ça pour toi. Tu ne mets pas ça sur Facebook, sachant que tu es ami avec des Guyanais et tout, et qu'ils vont très mal le prendre. Tu gardes ça pour toi. Hashtag G97, hashtag TraceFM 0820 203 200. Nous on voulait vous poser un petit peu la question du coup du côté de Saint-Laurent-du-Maroni, parce qu'il y en a qui veulent la défendre mais qui n'osent pas la défendre. Ça c'est aussi une réalité, Nanou. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont apprécié, oui. Par exemple au lycée, apparemment ce matin je suis plus au lycée, mais c'est de la famille au lycée de Bertin-Tuminard là où elle enseignait, et apparemment il y a des profs qui n'ont pas voulu travailler pour défendre cet enseignant. Mmh. même si l'écart de langage est douloureux, même s'il a clairement provoqué la population, est-ce que tu penses qu'à un moment ou à un autre, aller jusqu'à son renvoi, c'est aller trop loin? Ou alors tu es content que cette femme-là n'enseigne plus, en fait? Contente, pardon. Non, je sais pas trop. Je pense pas que ça aurait changé quelque chose. Parce que c'est pas dans cette salle dans sa salle de classe qu'elle a tenu ces propos-là. Ça n'entache pas son enseignement. En même temps, voilà la faute de mauvais goût et la maladresse quand même d'aller foutre ça sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, est-ce que cette nana est vraiment raciste? Ou est-ce qu'elle était en colère? C'est ça, moi, un peu la question qui m'interpelle quand j'essaye de mettre parfois, tu sais, regardes. Je pense juste que c'était plutôt de la colère. Ouais, voilà. Tu sais, quand tu te mets, tu sais, dans les émissions genre l'assassin, là. Comment ça s'appelle les émissions, tu sais, genre les investigations, où, tu sais, tu te mets dans la tête de l'assassin, on t'apprend. Faites entrer l'accusé. Ouais, voilà. Ce genre de truc. Tu sais, vous vous mettez jamais à la place du meurtrier. Jamais. Nous, les gens normaux, nous. mais je comprends, Yannick. Non, mais j'essaye de me dire, en fait, quelque part, est-ce que c'est pas de la colère? Est-ce que c'est pas forcément aussi de sentir peut-être que son mari a été en danger dans l'interpellation un petit peu plus tôt? Est-ce que c'est pas un sentiment de rejet, de colère qu'elle exprime, tout en pouvant rester professionnelle? Et tu sais, des écarts de langage, on en a des quantités. On est les premiers. Où qu'on soit, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Adrien. Un mec qui peut devenir un jour notre ami. Moi, je dirais plus qu'elle en a eu marre de dire des propos sur Facebook, parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu des vidéos concernant les meutes qu'il y a eu. Il y a eu des vidéos, il y a eu des commentaires, il y a eu plusieurs trucs. Et en lisant tout ça, je pense que ça l'a vraiment mis en colère et elle a publié quoi. Alors nous on vous autorise à l'anonymat, hein, sincèrement, pour parler sur Trace dans Génération 97. Le but du jeu, c'est que vous vous sentiez à l'aise. Donc pas de prénom, c'est le cas de Nanou par exemple. Mais à un moment ou un autre, on a envie d'entendre les vrais avis. Et surtout peut-être aussi des gens qui défendent cette prof, qui ont peut-être la meilleure position d'ailleurs pour la défendre. Hashtag G97, hashtag TraceFM, qui que vous soyez, si vous voulez parler, si c'est dans l'anonymat, ça nous dérange pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce que vous avez à dire. On revient avec des réacs, 0820 203 200. Également sur le net, www.trace.fm. Un coucou à Brandon. Et d'ici là, c'est les platines qui jouent. Voici VJ Ben avec tous les jours. Tikimp, Kérosène, Silverman, toute la clique. Il y a du Hey Baby Allo qui débarque tout à l'heure. On va se détendre, mais d'ici là, on lâche le son et on revient avec vos réactions. Big up, DJ. Yo, man, I don't know some of the routine, no. Straight for the girl, them. You know me represent for the girl, them. What up, they are for the girl, them. Road Empire. Pass it. He let me put it out. The villain, he let me touch it out. Road King, woman, pack up a little drop. Honey, now land inside, she mouth, pass it. He let me put it out. The villain, he let me touch it out. Road King, woman, pack up a little drop. Honey, now land inside, she mouth, pass it. He get so big, she up a la neke. Ali Karonde, se bad by a seke. He just have a mad de pepete. Person, pack up a mo stress, pass it. Kyal ga put on back way on le mo body. Fen pour on le mo consi mo te san jack. Mo tete plein on mo tete full jack. Pump it, strap up, poco net pa blo. I'm in the routine now. You just have a lobby. Mais ça se dit jamais vrai. Génération 97. Chal viré depuis le départ. Ka sorti moi bien aller tous les jours en vérité. Wow. Ya nous ke hay la ou ve hay. Ou ba ki ke a moi ve ou met sentiment en otage. Jalou c'est un bel jeune femme. En fait pas où prêter seul. En qui fait tout pour ses temps. En foi c'est la qui rete derrière. Et nous qui flexons occuper des mounes. Et qui a dansé en qu'on a senti moins bien. Qui pont aller sans retour. En nous partis sans garder derrière. En savons jour qui est en moi. C'est moins fort pour pas faire rien. En vérité en pas changer. Autour de ma veste, que quand y'a la chemiture, tu fais la princesse. Et tu sens la friture, tu veux mon adresse. 13 euros caisse bitume, fais pas de grands gestes. On le porte à la ceinture, frère combien tu chasses. T'as pas l'air d'une grosse pointure, l'hiver je suis en short. Quand pour pas je fais une teinture, ta montée elle est fausse. Elle donne pas l'heure du turfu, tu jures sur les gosses. On va te mener la vie dure, c'est sûr. On sait bien qui sont les ingrats. On sait tous qui sont les lance-bas. Qui te relève quand t'es au plus bas. Être impatient ça s'invente pas. J'rap pour de vrai ou sans mes négros. Dans la rue on sait qui fait le boulot. Y'a réseaux sociaux et réseaux de pédos. Même dans le noir on fait briller l'espèce. Appel de phare, elle veut m'allumer. Quitte à valider, je vais t'annuler. Viens pas nager où tu n'as pas pied. 20 bouteilles, on va noyer le carré. Tout le monde est contre nous. On s'en bat les couilles, on a des sous. Le coup, tu le dis à ta folle de quiero. À qui tu crois la faire à l'envers. Chaque fois que tu me dois des sous, t'es plus là. Chaque fois qu'il y a un bout, t'es plus là. J'ai besoin de toi, tu les crois. C'est juste un petit moi adressé. Depuis tant de temps, moi la cagade. Sinon, moi qui calé. Si vous c'est Rita, mangez, parlez. Ça oule, là oule, là oule. C'est nous Rita, on est darling. Vous qu'a fait trop feeling. A pas feeling, moi qu'a fait trop feeling. C'est juste ton chacal feeling. Et c'est bien galé, moi cette femme qui plaît. C'est moi senti où t'es en l'air. Remember the night. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Somebody say Oulo. Génération 97. Guadeloupe, Martinique, Guyane, 100% radio libre tous les soirs sur Trace FM. Restez avec nous, tout à l'heure on débarque avec du Hey Baby Allo, ça va pas tarder d'ailleurs. 0820 203 200. Il y a le défi aussi ce soir, le défi débile qui consiste à me battre avec une petite phrase qu'on va vous republier sur les réseaux sociaux. Le record établi pour l'instant est de 8 secondes et 26 centièmes. Si vous arrivez à lire correctement cette phrase plus rapidement que moi, je suis prêt à donner quelque chose qui me coûte. C'est pas forcément quelque chose de valeur, c'est quelque chose auquel je tiens, de valeur sentimentale, tu vois, par exemple. Mais pareil, si vous perdez ce défi, votre âme m'appartient. Il y a un truc auquel vous tenez qui m'appartiendra. 0820 203 200. On a des places de ciné aussi, on a des places pour le concert de Tarus Riley. Ça sera l'Oasis le 30 septembre. Yes, on a plein de trucs à vous offrir, bro. C'est ici que ça se passe, bro. Tu en doutes encore, bro? Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Qu'est-ce qui t'arrive? Nanou! Elle a bro? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tout le monde a bro! Elle a bro? Ah putain! Ah c'était bro! Elle est où? Elle est bro! Je peux te faire une dédicace? Non. Elle est où? Oui! Allô, Nanou? Oui? À un moment, il a essayé de me faire croire que t'étais West. Mais c'est bon, t'es de retour. Nanou, on discute avec toi. 0800 22 103 200. Il y a normalement Momo également qui va réagir dans un petit instant. Salut Momo, bonsoir, comment ça va dans la Trace Radio? Tranquille. Eh hey, Momo, je m'attendais pas à ce que ça soit une fille. Franchement, je suis plutôt agréablement surpris. Toi aussi t'es à SLM, tu vas nous en parler dans un instant. Nanou, elle a 22 ans. Toi Momo, t'en as 17. Bougez pas, hashtag G97, hashtag Trace FM. Est-ce que vous êtes prête quand même à rigoler avant? On rigole un petit coup avant. On va faire un petit coup de Hey Baby Allo, bougez pas, c'est Kalash qui piège dans la Trace Radio tous les soirs dans Génération 97. On piège ce soir. Tiens, on va composer le numéro. Vous avez pas faim les gars? Ouais, oui, oui. Non mais Keshi n'a pas faim. Alors on appelle un resto, on appelle quoi? On appelle une pizzeria, tiens. Pizzeria, allons-y. On appelle qui? Ça y est, Keshi s'est réveillé. Norientale, tu prends quoi toi? Bon attends, c'est plus. Compose le numéro de téléphone de la première pizza qui te vient sous la main. C'est quoi comme pizza, Sabri? Un Chrono Pizza. Ok, on y va, on compose. Bonsoir. Hey baby, allô. Connais-tu la bonsoir? Je vous dérange. Allô? J'ai pas pu me retenir, je sais. Hey oh. Et ma commande. Génération 97. Guadeloupe, Martinique, Guyane. 100% radio libre. Tous les soirs sur Trace FM. On rappelle les gars, on laisse pas ça comme ça les gars. Ah oui, j'avais du chorizo. Mais tu sais, à leur décharge, tu sais, ils travaillent avec les casques, ces gens-là. Tu sais, les petits trucs, genre comme les humoristes, tu sais, le petit casque micro, tu sais, genre s'il entend pas bien, pousse un peu le son pour qu'on entende bien. On rappelle Chrono Pizza. Et allô? Hey baby, allô? Allô? Vous c'est une blague. J'ai toujours ton numéro. Je n'ai pas pu me retenir, je sais. C'est quelle radio qui fait ça? On m'a dit que t'as un enfant. Penses-tu à moi dans ton lit? Tu veux que je t'insulte, c'est ça? C'est bien fait. Je m'entends que tu mets tes mains. Allo, allo? Hey baby. C'est qui fait la blague? C'est pas moi. Ça, c'est Trace FM. C'est pas moi. Allez, bonne soirée. J'ai pas fini le petit pédé. Bon, vous avez craqué, les gars. Alors, c'est qui? C'est Trace FM. Je raccroche dans une seconde. 5, 4, 3, 2, 1. Je vais t'enculer avec le bois que ta mère m'avait prêté. Au revoir. Tu t'es pas trompé de numéro, c'était mec. Chrono Pizza, ça? C'était pas Chrono. Il suffisait de faire bis en fait sur ton appel. Mais y a pas bis sur le standard. Ben recompose le numéro de téléphone, c'est Chrono Pizza qu'on veut joindre. Même si celui-là il était très sympa. Ben j'attends que y ait d'autres personnes qui chantent un jour. C'est bon, prêt? On passe commande quand même. S'ils sont assez sympas après, ouais, pourquoi pas. Au prends un pizza à mon sang. Non, non, non, je joue pas le bandit. Midi. Allô? C'est Kevin. On va niquer ça, ouais. Ah bon, on va niquer ça, ouais, ensemble. Adam. Oh, Adam, arrêtez-vous là. Ah, d'abord, on écoute tes cannes à tête. Pour moi, je suis en face, en face, hein. Non, non, non, je joue pas le bandit. Ah, c'est un gnome qui n'est ici. Où ça vous cela? Nous, pas qu'à y dormir. Ah, mais j'ai pas envie de dormir, pas dormir, moi-même, toujours là. Je vais enculer avec le bois que ta mère m'avait prêté. Vous maintenez les lieux, il est l'heure de travail, hein. Bye bye. Bon, je sais pas pour vous, mais je crois que c'est mort, hein, pour la pizza. Ouais, ouais, je crois que c'est officiellement mort. C'est pas la peine, on va commander ailleurs. 0820-230-200, vous nous balancez vos numéros et on fait Kalash, appelez dans la trace radio. Génération F7, 100% radio libre, 100% radio libre. Tous les soirs, sur Trace FM. 1er octobre, Orange et Air Caraïbes présentent Darius Riley. Darius Riley live at la Casa. Après 6 ans d'absence, le boss du reggae revient à la Casa pour un concert live unique, accompagné du Black Soil Band et de la légende Dan Fraser. Darius Riley live at la Casa. C'est le samedi 1er octobre 20h avec Europe Car et Coca-Cola. After concert by La Casa Love Sound System. Billets en vente, allmall.com, Gen 7 Baster, Copacabana Mool, Sport Action Destreland. Eh ben dis donc, on se fait plaisir là. Alors, toujours en vacances? C'est vrai qu'à ce prix-là, on s'y croirait. Chez Burger King, le menu Whopper Junior est à 4,20€. 4,20€? Voilà encore un peu de vacances pour ton porte-monnaie. Burger King, le goût est roi. Pour votre santé, bougez plus. Trace FM. Trace FM, première musicale. Salut Kevin. Salut Léa. Alors, t'en es où de tes projets? Bof, rien, ça n'avance pas. Pourquoi tu ne vas pas te renseigner au RSMA? Au quoi? Au RSMA, le Régiment du Service Militaire Adapté de la Guadeloupe. Ce sont 30 formations pour 30 métiers qui embauchent. Peintre, maçon, secrétaire, conducteur d'engin, agent de sécurité, mécanicien. Comme moi, tu trouveras forcément ta voie. Et ça dure longtemps? Entre 6 et 12 mois, pendant lesquels tu es logé, rémunéré. Et à l'issue, j'ai trouvé un travail. Ils m'ont même fait passer mon permis gratuitement. Ah ça, c'est cool Léa. Je sais ce qu'il me reste à faire. Vous avez entre 18 et 25 ans. Chaque mois, le RSMA recrute en Guadeloupe. Informations et contacts sur rsma.gp et les réseaux sociaux. RSMA, réussir ensemble. Tu écoutes Trace FM. Trace FM. Alors, cette rentrée? Bah, c'était une rentrée comme les autres, sans plus. Ah ouais? C'est marrant ça, parce que avec toutes les photos que t'as postées sur ton mur, ça avait plutôt l'air d'une super rentrée. Pour tout partager de sa rentrée, Orange vous offre deux fois plus d'internet mobile pendant deux mois pour toute souscription à un forfait Play 2 heures et plus. Et en plus, en rejoignant Orange, profitez du Samsung Galaxy J1 à seulement 49€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre valable jusqu'au 19 octobre. Engagement de 12 mois. Détaillé conditions en boutique ou sur orangecaribe.com. www.trace.fm. La rentrée, sa pression, ses préparatifs. Besoin de faire un break? Burger King vous propose une petite pause gourmande avec son nouveau King Deals à 2,50€. En ce moment, les X-Cream sont à 2,50€ chez Burger King. Oreo, Kit Kat, Crumble et son choix de nappage fraise, caramel ou chocolat, il y en aura pour tous les goûts. Une pause gourmande à petit prix, ça ne se refuse pas. Burger King, le goût est roi. Dans les limites des stocks disponibles. Pour votre santé, bougez plus. www.trace.fm. Lundi 26 septembre, c'est ton rendez-vous du mois. 9-7 People. Et Trace Urban t'a concocté une émission spéciale vacances. Rencontre les vacanciers de la Mercury Beach à Sainte-Lucie. Une fois n'est pas coutume, c'est leur playlist qui est à l'honneur dans 9-7 People. Tous ont choisi le titre de ces vacances 2016. En bonus, les images des concerts de Machel Montano, Feyan Lions et Bungie Garlin. 9-7 People, spéciale vacances. 9-7 People, spéciale vacances. Lundi 26 septembre à 19h aux Antilles et 20h en Guyane. Sur Trace Urban. We love hip hop and R&B. Ce programme vous a été présenté par McDonald's. Toute l'année, tu te poses des questions. Toute l'année, nous te donnons les réponses. Avenir au 97-300. Nos astrologues décryptent le futur pour toi. Avenir, A-V-E-N-I-R, au 97-300. L'avenir se dévoile enfin. Tu veux savoir? Envoie Avenir au 97-300. 65 centimes plus prix du SMS DGP.

profiter pour saluer Matoudette qui nous rejoint également. Bonsoir à Célia aussi, hashtag G97, hashtag TraceFM, on revient dans un petit instant. On tentera de joindre Tamilia, l'une des meilleures voix qu'on ait entendues. Elle est d'origine de Saint-Martin. Et elle fait The Voice Kid. On va lui envoyer toute notre force. On l'aura dans quelques minutes au téléphone. Restez avec nous. On revient avec Nanou et Momo aussi, sans oublier Sarah pour relever son défi. Ont l'odeur de l'enfer. Ça recommence, on finira par s'y faire. Par s'y faire. Nique ta célébrité, nique ton buzz. Nique ton buzz. Sans ce putain de rap, t'es rien, putain creuse. Putain, putain, buzz. Voilà! Number one, you're one of one. I wanna go one on one with you, one on one. And I want you to want me too. You're one of one. I wanna go one on one with you. Back to the front with you. Don't let them make you regret it. They'll be fake if you let them. Don't let them make less out of something that means so much to you. I wanna make you feel comfortable. Girl, you know I fuck with you. Like summer school and Lunchables. We the untouchable, yeah. You don't have to suffer, no, yeah. I was made custom for you. Only give my love into you. You're my only one. You're my number one. On s'ambiance tous les soirs dans Génération 97 avec tout. Et parfois aussi n'importe quoi. Mais on s'en fout, on s'ambiance, quoi. Hashtag G97, hashtag TraceFM avec le DJ officiel de Génération 97, Tijo Sound. Vous réclamez vos titres, hashtag G97, hashtag TraceFM. 0820 203 200 pour nous joindre en direct sur Trace. Mada, Guada, Yana. Le before. Une chose est sûre, le soir, vous n'avez plus le choix. Génération 97, pendant 3 heures, c'est nos limites. Zéro censure. Génération 97. Yes, on a Momo qui nous rejoint, c'est pour réagir. Il est de Saint-Laurent-du-Maroni, il est un petit peu un ambassadeur là ce soir parce que elle plutôt est une ambassadrice en fait, parce que bon bah ça chauffe un peu du côté de Saint-Laurent-du-Maroni. On aimerait savoir pourquoi les gens sont si pas bien, si mal à l'aise. Il y a une grosse histoire autour d'une prof qui aurait publié un statut Facebook à connotation un peu raciste. Du coup, ça réagit beaucoup. La nana, entre-temps, a perdu son poste, mais pour autant, il y a des gens qui l'aimaient beaucoup en tant que prof. 0820 203 200. On va joindre dans un petit instant une nana qui fait aussi This is the Voice, mais version pour les gamins. Ça s'appelle The Voice Kid. Ouais, mais c'est juste qu'ils sont des gamins, parce que sinon, leur niveau technique... Oh là là là là là là. Elle s'appelle Tamilia. Elle a 12 ans. Elle est incroyable. Et elle poursuit l'aventure. Alors c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe quand tu interviews quelqu'un qui est à The Voice Kid ou qui est dans une émission prime time en fait de TF1? Tu n'as pas le droit de lui poser un certain nombre de questions. On verra dans un petit instant comment on arrive à contourner ces questions, mais t'as pas le droit de lui demander quelle est la suite de l'aventure. L'émission est enregistrée un certain nombre de fois par semaine, ok? Ah, donc elle sait déjà, elle. Non, elle en pas est. Forcément. Ah, pas forcément. Elle sait pas forcément si elle est en finale. Elle sait qu'elle continue l'aventure. Ça, c'est le seul truc qu'on sache pour l'instant. Okay. Il y a y a énormément de gens qui se mobilisent. Et tant qu'à faire, pourquoi pas mobiliser aussi tout le bassin caribéen qui peut se sentir proche et culturellement de cette jeune fille qui est incroyable, qui a vraiment. En plus, c'est vraiment pas un vote juste de communauté. Elle a vraiment un incroyable talent. On l'aura dans un petit instant du côté du téléphone. D'ici là, c'est Momo qui nous rejoint. Momo, on restitue l'histoire. Cette prof a publié un truc qui a énervé la population. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu soupolés en ce moment, Saint-Laurent du Maroni. Je ne sais pas. T'appelles pour quoi? T'appelles pour la défendre, cette prof, ou tu appelles parce que t'es d'accord avec tout ce que les gens en disent, en fait? Moi, c'est plutôt du 50-50, moi. C'est du 50-50. Oui. Tu es grise ce soir. Eh ben, explique-nous, raconte-nous. D'abord, je pense que les débarquements qui se sont déroulés à Saint-Laurent le mardi n'auraient pas dû aller jusqu'à là, parce que je trouve que tout le monde a eu tort. Les policiers, celui qu'on a accusé d'avoir roulé à plus de 130 km/h et le maire, parce qu'il n'aurait pas dû réagir comme ça devant les caméras, en plus s'adresser à des gendarmes. Je pense que voilà, ça a dû mettre en colère cette dame. Et, voilà, c'est son mari, donc je pense. Pour toi, il y a quelque chose qui explique le fait qu'elle ait pu dire un truc, même si c'est odieux à lire, même si c'est odieux à entendre, en fait, il y a quelque chose qui explique ce qu'elle a dit. Tu penses que cette femme n'est pas profondément raciste, en fait? Bah, je pense pas. Voilà. Après, je la connais pas vraiment, je la voyais juste et tout. Il faut, voilà. Il faut préciser que simplement, en fait, t'es scolarisé dans le même lycée, en fait. Oui. Donc tu la vois, cette prof, tu l'as pas forcément directement. Toi, tu te dis simplement, bon, c'est un geste de colère qui est sanctionné au prix le plus fort. Aujourd'hui, elle a perdu son affectation, elle a perdu son job. Est-ce que tu trouves ça au final triste pour elle, ou tu trouves que c'est normal à un moment ou à un autre de faire des exemples? Je trouve ça plutôt triste pour elle, vu que c'est dans un cadre privé, on a enfin Facebook, voilà. Facebook, est-ce qu'aujourd'hui dire Facebook, de Facebook que c'est privé, ouais. Mais voilà quoi. Après, on fait comme on veut sur Facebook. Si tous mes conneries, tout ce que je disais sur Facebook étaient publiées et puis étaient utilisées contre moi, bah voilà, je pense qu'on a tous dit des conneries sur Facebook. Après, est-ce que ça doit rentrer dans le cadre, voilà, de son travail, voilà, elle a des enfants en plus. Je ne sais pas comment ça va se passer pour elle. C'est quoi le malaise selon toi en ce moment à SLM? Qu'est-ce qui va pas au-delà de ça pour que les gens soient si réactifs, en fait? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Déjà, on parle déjà de Guyane indépendante. Déjà, ouais. C'est assez... bon, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, mais c'est... C'est une idée qui évolue assez vite, enfin, on va dire depuis... T'as l'impression qu'en fait, la Guyane est en train de faire sa révolution et qu'elle a envie que... Elle a envie de la Guyane, en fait, pour les Guyanais, c'est ça, en fait. Ouais, je pense. Après, voilà. À un moment ou à un autre, quand même, force est de constater que c'est quand même important, ces profs. Après, moi, je me dis que... En fait, c'est marrant, hein, mais mon expérience, par exemple, de la Guyane, me pousse à dire que j'ai pas l'impression que ce soit un pays éligible au racisme. Et pourtant, peut-être que c'est le contraire, hein, mais on est tellement brassés, tellement... Parfois, il y a plus il y a d'étrangers, plus il y a de racisme. Mais je sais pas. Ça favorise. Je sais pas. En fait, oui, peut-être que les gens s'aiment pas entre communautés, peut-être. Oui, mais à un moment ou à un autre, peut-être que c'est un peu fleur bleue, peut-être que c'est un peu Walt Disney, hein, ce que je raconte. Mais franchement, honnêtement, j'ai l'impression que personne ne peut tellement se revendiquer, à part les Amérindiens, peut-être, d'être guyanais. Il y a pas mal de populations. Il y a les Brésiliens, il y a les Bushinengue, il y a les Surinamiens qui sont pas loin. Il y a de tout. Il y a un brassage, quoi. Ouais. Il y a un brassage. Il y a les Chinois. Après, est-ce que ça se mélange? Et finalement, tout le monde apporte à ce pays. Je parle pas des criminels qui ont pas forcément une nationalité, qui ont choisi d'être des voyous. Ça, c'est encore un autre délire, tu vois. Mais je me dis qu'à un moment ou un autre, on a besoin de... En fait, pour moi, la Guyane, c'est un peu cette mosaïque, en fait, de population. C'est un peu comme ça que je le ressens. C'est un peu comme ça que je le vois. Tout le monde est légitime à partir du moment où il veut s'investir dans le pays. Là, clairement, c'est vrai qu'avec son poste, ça donne l'impression du contraire. Mais c'est peut-être lié à un dégoût, peut-être lié à pas mal de choses. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Aujourd'hui, ça en parlait encore au lycée de cette histoire? Oui, les élèves et tout. Ben, ce qu'elle a publié, ben, on s'est partagé et tout pendant le week-end. Voilà. Et je pense que ce qu'elle a dit, il n'y a pas qu'elle qui pense. Il y a même des gens, on va dire, bon, on va pas dire noir pour critiquer, mais voilà, elle a dit nous les métropolitains, mais il y a des gens de Guyane qui pensent la même chose qu'elle. Hein, que... Ouais, mais après, elle a pas non plus tenu des propos. Enfin. C'est pas par rapport à la couleur de peau. Elle a dit métropolitain. Non. Elle a pas dit nous les blancs, vous les noirs. Non, elle a pas dit ça. Mais en fait, je veux dire qu'il y a des gens, il y a des Guyanais, natifs de Guyane, qui pensent ça aussi, que pour les crimes de la CAF, là, bon. Ah ouais, ça suppute un certain nombre de choses, ça suggère un certain nombre de choses. Après, les gens ont fait leur lecture, leur interprétation à un moment ou à un autre, c'est le risque. Clairement. Mais c'est intéressant ce que tu dis, qu'à un moment ou à un autre, en fait, il y a des gens qui estiment que voilà, ils s'investissent dans le pays et qu'ils avancent pas, ou alors qu'ils avancent pas assez vite pour eux, ou alors que ça ne leur profite pas à eux-mêmes. Je pense que ce sentiment de mal-être, il est pas que à SLM, hein, il est un peu partout à un moment ou à un autre. Hein. C'est vrai qu'on s'est un petit peu concentré, par exemple, sur ce fait divers violent du côté de la Guadeloupe. À un moment ou à un autre, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de révolution, en fait, qui est en train de gronder, parce que les gens... Peu importe dans quel sens il faut tirer, quelque part, je sais pas, il y a une envie en fait de mettre le bordel en fait. Il y a une envie de mettre le bordel, peut-être pour rebooter la machine, pour redémarrer la machine, à la limite accepter qu'elle a planté et redémarrer le truc pour que ça aille mieux. D'après toi, là aujourd'hui cette histoire, elle va encore planer dans les discussions ou on attend simplement le prochain autre truc qui va déclencher la population? T'en penses quoi toi Momo? Je pense que c'est les deux, ils vont s'en servir pour politiquement, on va dire, parce que voilà. Ouais, c'est la période. Ouais. Ouais, voilà. Il y a le maire qui a été attaqué en plus. Oui, il y a le maire qui a été attaqué et tout. Enfin, je pense qu'ils vont l'utiliser politiquement plus, voilà. Bah écoute, tu vas nous tenir au courant, hein. On va essayer de sourire 3 secondes. Attention, c'est le sourire SLM. C'est fini. C'est fini, on rigole plus à SLM, c'est fini. Bon ben bon courage en tout cas, vous nous tenez au courant, hein, Momo, n'hésite pas, tu nous rappelles, hein, hashtag G97 et hashtag TraceFM ambassadrice. Bis. D'accord. Bye bye, ciao. 0820 203 200, qu'est-ce qui se prépare du côté du standard? On a du discutable talent qui arrive tout à l'heure. Alors présente-moi un peu Dimitri, le boucle. Dimitri qui va chanter. Son il talent, a 23 ans, il est à Capesterre lui, hein. Ouais. Il a envie de montrer un petit peu ce qu'il vaut. Entre-temps, on appellera très très rapidement, on appellera Tamilia. Ce sera juste après Chris et Matt Houston. Tamilia, elle est simplement dans le casting de The Voice Kid et pour l'instant, elle est en train de tout déchirer. Elle est originaire en fait de Saint-Martin. On l'a dans un petit instant au téléphone. Il paraît qu'elle a une extinction de voix. On va tester un petit peu, checker un petit peu tout ça, on revient. Trace FM. Écoute, encore une découverte Trace. Encore une découverte Trace. Le nouveau hit de Chris avec Matt Houston. Elle a tout. Elle a tout. Oh, c'est le buzz Trace FM de la semaine. Elle a tout. Oh, oh yeah. Elle a tout. Elle a mon cœur. Ouais. Elle a les clés de la baraque. Ouais. Like a passe for your baile. En prenant un mois pour étudier qu'on profile. On dit m'a t'arrêté de mater parce que c'est un mois. Que bye puisque ça y commandé parce qu'elle est ni moi. En séant chômage, pas en chaud la paix. Pas mettre qu'un mois au chômage, pas faire moins la peine. À part l'amour, si t'es là, ça nous pas ni aïe. Bon, t'es qu'à béni nous, qu'a fait nous voir soleil la paix. Elle a tout. Elle a mon cœur, ouais. Elle a les clés de la baraque, ouais. Elle a les clés de la bimbo, ouais. Elle a, il y a tout ça moins qu'à chercher. Elle a, il y a biscuit ça il faut, ouais. En t'es fait mes gains, moins pour pas souffrir, mais il trouvait faille là. Monter à danser, moins t'es obligé, Elle a, elle a, elle a mon cœur, ouais. Elle a, elle a, les clés de la baraque, ouais. Elle a, elle a, les clés de la bimbo, ouais. Elle a, elle a, tout. Elle a, elle a, black card en moi. Elle a, elle a, caoufflé, elle a. Elle a, elle a, caoufflé, caoufflé. Elle a, elle a, tout ça on a me commandé. Elle a, elle a, vini tout ça moi qu'à chercher. Elle a, elle a, vini puisque ça il faut, ouais. FM t'a joué à l'instant. Trace FM. Le nouveau hit de Chris avec Matt Houston. Encore une découverte Trace. Elle a tout. Elle a tout. C'est le buzz Trace FM de la semaine. Génération 97. Génération 97. 0820 203 200. Le soir. Appelle, appelle, appelle. Salut. Et balance sur Trace FM. Sur Trace FM, un petit coucou à Laurie qui se connecte avec nous sur Twitter et Célia aussi qui est là. Ouais, il y a Loulouche qui est arrivé il y a un petit peu plus tôt, il y a Mutives, hashtag G97, hashtag TraceFM 0820 203 200 dans un petit instant, Dimitri nous rejoint, il est déjà là, Dim? Salut Dim, bonsoir, salut. Ça va et vous, vous allez bien? 23 ans, Capester, Dimitri est Guadeloupé. Et Dimitri, ce soir, il a envie de nous montrer à quel point il est le boss. Dans un petit instant, tu vas avoir l'occasion de le faire. On va juger ton titre, ce que tu nous as envoyé. On va te donner notre avis sans filtre. Parfois, c'est un peu violent, frangin. Mais au moins, si on a un peu d'intelligence, si on est un peu ouvert, justement, bah, ça permet de comprendre un certain nombre de choses. Que la recette pour le succès en musique, soit ça te tombe dessus, et tu sais pas comment, soit t'écoutes simplement les gens. Ok. C'est ça l'humilité de cette rubrique. À tout à l'heure, mec. Ne bouge pas, ne raccroche pas. D'ici là, on a Tamilia. En parlant d'humilité, en parlant de talent, nous avons une jeune fille qui a une extinction de voix et que vous avez vu samedi soir à la télé dans The Voice Kid. Elle s'appelle Tamilia, elle est Saint-Martinoise. Bonsoir, Tamilia. Allô, allô. Bonsoir. Elle peut pas parler beaucoup. Tamilia, tu nous entends? Tape des mains. Alors, Tamilia, faut que tu coupes le haut-parleur. Par contre, lorsque tu réagis à l'antenne, il aurait dû te le dire, le standardiste. Faut couper le haut-parleur, s'il te plaît. On va pas te retenir très longtemps parce que t'as une extinction de voix et on préfère que tu réserves ta voix, évidemment, au prime de samedi, plutôt, évidemment, que de la gaspiller avec nous. C'est vrai qu'on a plein de choses à en dire. On attendra simplement le bon moment pour en discuter avec toi en souhaitant que tu ailles le plus loin possible dans cette aventure. Des gens se mobilisent autour de toi. Tu es de Saint-Martin. Tamilia, est-ce que tu m'entends? Un simple oui me suffira. Allô? Allô? Oui. On va pas te faire parler beaucoup, Tamilia. Oui, oui. Ouais, parce que, en fait, tu es revenu d'un cours de chant tout à l'heure, parce que tu te prépares activement à tout déchirer, oui. Peut-être même la planète. Tu participes à The Voice Kid, tu as 12 ans et t'as un talent de monstre, un talent de fou. Merci. Alors. Oui. On n'a pas le droit de te poser des questions sur la suite de l'aventure parce que même toi, t'as pas le droit d'y répondre. En fait, si, on a le droit de poser des questions, mais t'as pas le droit d'y répondre surtout. Alors, c'est qui ta pire ennemie? C'est qui ta pire... Alors, elle peut pas parler. Ce soir, ça va être compliqué. Voilà. Moi, je te propose un truc. On va réserver ta voix pour le prime de samedi. Et la semaine prochaine, on va se parler. D'accord? En fait, t'as tout donné à ta séance de voix, à ta session de cours de chant. C'est pour ça que t'as plus de voix là maintenant? Oui, c'est pour ça, oui. Ok, alors il faut absolument que tu te préserves. Attention, coach-la-moi là, attention, c'est pas possible, pas d'imprudence. Je tiens à préciser, tous les touristes éventuellement qui peuvent venir à Saint-Martin, si vous avez le Zika, dégagez. Si vous avez la grippe, dégagez. Il n'y a qu'un seul objectif, l'objectif c'est que Tamilia puisse aller en bonne santé participer au prime de samedi. Je dis ça, je dis rien. Ok? Il y a beaucoup d'amour autour de toi, beaucoup de soutien, beaucoup de support, comme on dit en anglais. Tu es totalement bilingue, c'est aussi la particularité de Saint-Martin. On voulait juste dire que on te voit. On te voit, oui, on te regarde, suis. Et on te suit, et on te soutient. Merci. Pas de problème. Chuchu, j'avais tellement envie d'entendre ta voix pour un prime, pour un petit showcase privé là dans le téléphone portable, mais là c'est pas le bon moment. Ouais, okay. Tu vas faire comme tout le monde, hein. Ok. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il est très exactement 20h17 aux Antilles, 21h17 en Guyane. Il faut que tu ailles te coucher, Tamilia. Aujourd'hui, oui. Il faut que tu ailles dormir, Tamilia. C'est nous qui allons te prodiguer des conseils. Nessie, qu'est-ce que tu lui dis de faire? de boire un peu de miel, un thé au miel. Voilà. Ouais, voilà, thé au miel déjà. Oui, je l'ai déjà. Ok, c'est parti. Sabri, qu'est-ce que tu lui suggères? De vite raccrocher avec nous et d'aller se coucher. Ok. En quelle couleur on l'habille ce week-end? En rose. Ah ouais. Bah oui, forcément. Ouais, non, ça te plaît le rose, Tamilia? T'as envie de passer à la télé en rose? Oui, pourquoi pas. Elle a 12 ans. Oh, tu vois, tu n'y connais rien, Yannick. Ah, mais toi, t'as, je sais pas quel âge t'as, mais t'as au moins le double de son âge et t'es toujours en rose. Eh oui, hein, ça change. Écoute, Tamilia, ça va toujours te suivre. Fais attention. Bon. Oui. Je sais que les devoirs, l'école, la rentrée, tout ça, je sais que tu vis une aventure, je sais que... Mais il faut que tu sois une artiste avec la tête bien pleine, ok? Oui, oui. D'accord? On a confiance en toi, Tamilia. Allô? Oui? Tu nous entends? Oui, oui. Pas coupé. D'accord. Alors, oui. Tu es où, là? Tu es dans quelle pièce? Comment? Tu es où chez toi, là? T'es dans le salon? D'accord, tu es en pyjama? Non, pas encore. Il faut que tu te mettes en pyjama. Vas-y, go. Il est hors de question qu'on abandonne cette petite fille. Il faut qu'on la coache, les gars. Il faut qu'on la coache. Tu vas mettre ton pyjama, dépêche-toi. Va mettre ton pyjama. Ok? Et nous allons... Oui, c'est fait. C'est bon? Maman, putain, tu dors toute nuit ou quoi? Ça se fait pas à 12 ans. Il faut que tu mettes un t-shirt très long, ok? Tu mets un t-shirt très très long. Ouais, ok. Un bisounours, un Walt Disney, comme tu veux, pas de problème, ok? Et maintenant, tu vas t'allonger dans ton lit. Et oui, c'est l'amour d'accord. Qu'on t'envoie des Antilles Guyane, ok? On est concerné par ta participation à The Voice Kid. Fais dodo, Tamilia, ma petite sœur. Oh my god. Fais dodo, tu vas gagner The Voice Kid. Fais dodo. Jennifer te dit d'arrêter. Sabri a tourné son siège. Sabri, il veut pas me voir à la finale. On se tient au courant la semaine prochaine. Rétablis-toi bien, Tamilia. Bonne chance pour cette aventure. Fais-nous rêver. Merci. Bisous. Ciao, ma belle. Bon bisous, bye. FM. Entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 9-7. Le replay. C'est le replay de Génération 9-7. On va parler ce soir. Dirty Talk. J'avoue être sensible aux gémissements. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Les pornos japonais, j'ai du mal. Mais moi j'adore. Et t'as dit passage ? Génération 9-7, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 9-7 aussi dispo sur trace.fm. Pour la rentrée, Digicel n'a pas fait les choses à moitié. Tous vos forfaits Digicel sont à moitié prix pendant 2 mois. Que diriez-vous d'un forfait no limite 1 heure à 8,50€ pendant 2 mois? Rendez-vous vite dans votre boutique Digicel. En ce moment, le nouvel Alcatel Pop 4 Plus avec son grand écran 5,5 pouces est à 29€. Et le nouveau Wicoline 3 est offert. Vivons l'extraordinaire. Digicel. Offre valable jusqu'au 2 octobre 2016. Remise appliquée sur le montant des 2 premiers mois de forfait. Prix des mobiles dans le cadre d'une offre portabilité, durée d'engagement minimum de 12 mois. Voir conditions en point de vente. Trace FM, ensemble, luttons contre la drépanocytose. Préparez-vous au 5K McDonald's 2016 en participant au Zumba Party. Des entraînements gratuits avec les meilleurs profs de Lille, certifiés Trace. Venez danser, bouger, transpirer. Samedi 24 septembre, 16h30 au centre commercial Millénis aux Abîmes. Mercredi 5 octobre à 17h30 à l'esplanade du port à Basse-Terre. Samedi 8 octobre à 16h30 au McDonald's Motoban au Gosier. Trace Code, sport exigé. En partenariat avec McDonald's, Trace FM, Trace Urban, Trace Tropical et Trace Sport Star. Plus d'infos, trace.fm. www.trace.fm. Ici, au 96-300, dans tous les coins de l'archipel, t'attendent des centaines de gens qui, comme toi, veulent trouver l'amour. Ici, ICI, au 96-300, consulte les profils d'hommes et de femmes de toutes les Caraïbes. Alors envoie par SMS, ici, au 96-300. 50 centimes plus prix du SMS DGP. Tu écoutes Trace FM, numéro 1 devant tout le monde.

she no go man. Boy, would you give me some? She say she wanna bounce to the naira and the dollar and the pound. See, she say she wanna bounce to the naira and the dollar and the pound. See, this girl that they use me ton ton, because I like a picky bum bum. This girl that they use me ton ton. That's smart, yeah. If you see this Indian girl, she conduct loose. Oh, and she drink that juice, yeah. She want to walk till it bruise. If you see the Indian girl, I never seen no girl like you. Pretty like Dolly, but you conduct loose. Girl, I make man ball out to good. When she whining, and she grind, and she whining, she whining good, good, good, good, good, good, yeah. Je garde un œil sur toi. Et même si tu crois que c'est faux, je garde un œil sur toi. Tu es différente des autres, surtout ne t'inquiète pas. D'ici je surveille ton dos, mais tout ça je ne te le dis pas. Je suis du genre à faire profil bas. Tu veux que je délaisse la musique et le Nesby. Canon sur la tempe, tu me braques pour un baby. Continuer tout seul ou ensemble, j'ai déjà choisi. Si t'es prête à prendre quelques risques, allons-y. Mais tu sais, je te ralentis car j'ai peur d'échouer. C'est compliqué. Je ne suis qu'un homme difficile d'avouer que je suis vidé. Reste en retrait, ne viens pas me demander de t'expliquer. Faut m'excuser. Demain, aime-moi demain. Demain, aime-moi demain. Demain, aime-moi demain. Sous le coude, s'il te plaît. On se fait une petite session tout à l'heure, ok? Tu gardes le Vibes Cartel là. Mais non, les fesses bougent déjà. C'est trop tard. La fièvre monte déjà. Prends ton Lipan. A tout à l'heure, Tijo. Somebody say. Oh, oh, oh, oh. FM. Génération 97. Le soir, y a pas de limite, y a pas de limite. 0820 203 200 Mada, Guada, Yana, vous n'avez plus le choix. Sur Trace FM, on va appeler les gars les plus chauds du web, mais c'est Lolo Show tout à l'heure qu'on va chauffer à l'antenne. Yes, ils sont inscrits sur des sites de rencontres. Hugo les appelle tous les soirs, les chauffe pendant un petit moment avant qu'ils débarquent à l'antenne. Écoutez, ça donnait ça par exemple hier soir. Voilà, soumission, domination, mais des soirées plutôt libertines, échangistes, mélangistes. Attention, ces conversations peuvent choquer plus d'un. Elles sont diffusées en direct, en live, et peut-être que vous reconnaîtrez quelqu'un. D'ici là, on a du monde qui nous rejoint dans le Tra Studio. C'est Dimitri, il a 23 ans, il est à Capesterre, et il est là pour This is the Boss. Si tu nous le prouves. Tu es prêt, Dimitri? One, two. Générique. This is the Boss. Peut-être, on ne sait pas. C'est les auditeurs qui décideront. This is the Boss. Mon pape. On va investir dans le jingle là. Tu es là pour quoi, mec? Tu chantes? Du rap? C'est toujours pas. Tu tweets? Qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi ton rôle? Qui roll out, Dimitri? C'est un peu compliqué, mais je suis étudiant. Hein. Tu es étudiant, d'accord. Oui, mais quel est ton talent? Le jour, il est étudiant, la nuit, il est chanteur. Ouais, on peut dire ça. Qu'est-ce que tu fais comme style? Alors, j'aime bien le rap, je fais du rap. Ouais. De temps en temps, je peux me balader sur du trap. Ok. Voilà, hein. Qu'est-ce que tu vas nous faire ce soir? J'ai fait écouter mon dernier hit. Hit, c'est déjà un hit. Ah, c'est un tube incontestable. C'est un lancement, une avant-première. Now on Trace FM. On convoque tous les auditeurs. Tous les auditeurs sont là derrière la radio. Ils t'attendent. 0820 203 200. On espère qu'il y a du rythme dans ce que tu nous proposes ce soir. Plus ça pique, plus c'est bon. Plus ça pique, plus c'est bon. On espère qu'il y a aussi de l'amour dans cette chanson. Fais petit bisou à ta copine. Fais petit câlin à ta copine. On a l'impression aussi peut-être que tu vas réussir à nous permettre de nous évader loin, loin, loin, loin de notre quotidien. Ouais. Cunha, mama de col, cunha, mama de col, cunha, mama de col, cunha. Peut-être que c'est ta chance. Salut. Tu traînes un corps dans ton salon. Je suis sur la véranda. D'accord, ok. Donc tu traînes un corps sur ta véranda. Ouais. Ok, ça marche. Personne n'a peur. Run. Mec, on écoute ce que ça donne. C'est déjà en machine. Hashtag G97, hashtag TraceFM. Vous dites ce que vous en pensez. Franchement, 0820 203 200. C'est vous qui déterminerez si c'est un boss ou si c'en est pas un. Voici Paradis ou l'Enfer. C'est le titre. Ok. Ok. Ah, mais j'ai déjà entendu ça. Et c'est Paradis ou l'Enfer. C'est vrai que... Ah oui. Ah. Tu as copié le son de la personne. Ouais, non. Non. Juste le titre. On écoute. Hashtag G97, hashtag TraceFM. Vous dites ce que vous en pensez. On se prépare également à n'importe quel moment à gagner une paire de Nike Air Max. Deux titres à guetter. 7 hits. Et Yuji avec Dance For Me. Dès que les deux retentissent, 0820 203 200. D'ici là, c'est le talent de ce monsieur Dimitri. Vous dites ce que vous en pensez, franchement. Killer pote. Yeah. Bang bang. Physique achète argent malet. Tout ça caché en casse là. Pas ni regret en sang j'affais. En cas respect principe là. Papa, maman, pas te savent ça qu'est. Il t'aignit tout ça. Mauvaise fréquentation. Cabal des mauvais tentations. Cagoulé quand nous caille si plan. Et nous en anonymat. En déplacement ce qu'on coûte jamais. Qu'a fumé en voiture. Papa, maman, pas te savent ça qu'est. Il t'aignit tout ça. Mauvaise humeur toute la journée. En toujours si tension. Paradis ou l'enfer. En joue c'est qu'est-ce ou en moins. Les sacailles tellement vite. L'orgadé c'est la fin. En café, fais des comptes. Qu'on t'y batte ni des mains. Fais le bien, fais le mal. De toute façon qui nie la haine. Déterminé pour nous briller. Et nous partir en mission. Mental d'acier, bras la armée. Aucun ni altercation. En la rue la paix maléfique. Diable cabot paix tentation. Fais un signe de la croix pour bondir pas en protection. Fais un parfait panique guillon. Ou charisme point par l'enquête. Ou de la dangerie à d'un moment. Y'a aucune fou à terre. Combien d'organes moi j'ai tombé. Ça y ouvre c'est vers la couche. Angèle la yon qui ne peut juger. Un seul monde qui n'y doit juger. Il s'appelle Dimitri. Il chante Paradis on l'en fait. C'est toi qui donne ton avis. Boss ou pas boss? Hashtag G97, hashtag Trace FM. C'est déjà la fin? C'est qu'une bonne nouvelle que je m'en sois pas rendu compte, hein, mec. Je suis très peu patient. Hein. Dimitri de retour avec nous. On vient d'écouter 2 minutes 30 en fait. 2 minutes 20. Maman, 2 minutes. Attends, t'es mal. Bon, mais il reste là, là, là, là. Attends, 2 minutes 27. 2 minutes 27, mais attention, dès les 10 dernières secondes, ça commence crescendo à descendre et à disparaître. Donc en fait, c'est même pas un son en entier que tu nous as envoyé. C'est juste un extrait. C'est quoi l'idée en fait? C'est un extrait? Non. Non, c'est le mensonge. Et tout le son. C'est le nouveau format en fait. Tu t'es dit, bon ben voilà, on passe sous les ponts Moon. On t'est là. Voilà, on t'est là. On passe et fit, fit, fap, fiap, fiap, fiap, fiap, fiap, frap. On l'a gagné ça, six autres. On pas déranger. Ponts Moon, là, c'est la meilleure des choses. Ils ont parfois aimé. Alors, le risque, est-ce que c'est justement quand un son est aussi court de peut-être pas marquer les esprits. Hashtag G97, hashtag TraceFM, on vous pose la question sur le net. On vous donne un petit temps pour débriefer. 0820, 203 200 également sur le net, www.trace.fm. On revient avec les avis dans le studio également. Tu bouges pas, tu raccroches pas, frangin. D'ici là, voici Fly et Cécile. Génération 97. Génération 97. Le soir, pendant 3 heures, prends le pouvoir sur TraceFM. Trace FM, we so fly. Trace so fly. Bad girl style. Trace, yeah. I just the body with me, your body them and I cry for. Trace FM, body that them and I cry for. I just the body with me, your body them and I cry for. Body with me, ever just the body with me, Trace. Hey baby, loving when you whine for me. You tell me what you want, baby. I'm a loving when you love, baby. Trace, bust a wine for me, dilly like a bike round the corner. Bump a cock up, yeah, the right sweet, yeah, maha. If you love the right, me turn it up like a sauna. Trace, hold up on my body and Trace, set it. Broke out my back, yeah, Trace, if you set it. It's fine, I want no Trace, set it. Hold up on my body, hold up on my body. Love how me set it, set it, set it. Trace, if you set it, set it, set it. Roll on, set it, set it, set it. Watch how me set it, set it, set it. Stiff like soldier. Table top make the boost take you over. From the pole you not care if you're sober. Lord, oh Lord. Trace love on me wine. Him love on me wine. Boss, open the pool when me wine. Trace me away like a go-go. Pull up on my body and Trace, set it. Rock out my back, yeah. Trace, if you set it. This line I wear no Trace, set it. Pull up on my body, pull up on my body. Love on me, set it, set it, set it. Set it, set it, set it. Roll on, set it, set it, set it. Watch how me set it, set it, set it. Boy. I just the body when me ever that dress I cry for. Body when me ever that them and I cry for. I just the body when me ever that dress I cry for. Body when me ever just the body when. Bust a wine for me, dilly like a bike round the corner. Bump a cock up, yeah, the right sweet jam. If you love the right, me turn it up like a sauna. Hold up on my body, I'm Trace FM. Broke off my back. Set it, set it. It's lying a word out. Girl to see. Well, I'm by my body. Well, I'm by my body. FM. En ce moment, Trace FM te sape pour la rentrée. Cette semaine, ta radio t'offre ta paire de Nike Air Max. Ta paire de Nike Air Max. It's your boy Easy. UG official. Music so sensual. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. And up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. And up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. And up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. One in a million. Nobody give me wine like this. Tell me I be one in a billion. With everybody that they call me cheap. I know they carry boss like a bullion. But if you give me dance, you go chop deep, deep. Baby girl like a billions. Oh yeah, give me chance, make you chop deep. As she do the Al-Qaeda. She said the old club on fire. We a body big like Bombardier. A body big like Bombardier. She say she no want no Wahala. She no want no Wahala. Cause she need a real man like Montana. Oh yeah, shanta, she gon' give me kind of dance. With me, I never see. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. Shocky, shocky, me say Al Qaeda, baby dancing for me and up. She be tryna hold my hand though. Shorty said she wanna do the tango. I did tell her she be fine all the time when she dance. Say a sweet sweet as a mango. So wind up your waist for me, baby. Your Al-Qaeda, they drive me crazy. The way you kill a dance, them I rate it. Me love your style and nobody can debate it. So let me see you shocky, shocky. Oh girl, make it take it low. Girl, move your body, body, no rush, baby, take it slow. I swear you know, anywhere you dey be, I'll go. Who dey for phone, not for me? Where dey for check me? Cause tonight it go be my go, it go be my go. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby, dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby, dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby, dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby, dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby, dancing for me and dab. Shocky, shocky, me say Al-Qaeda, baby, dancing for me and dab. End up. End up. Ah ouais, c'est bien ça, hein. C'était un double hit. Ouais. Cécile enchaînée à Mister Easy. Et on a Lindsay. Salut Lindsay. Allô, bonsoir. Allô, tu es là pour une enquête. Lindsay. Qu'est-ce que tu fais là, Lindsay? Pourquoi tu nous appelles? Comment? Pourquoi tu appelles? Tu veux un cadeau? Bah oui. Ouais, bah tu as appelé au bon moment, la trace roulette tourne pour toi, tu dis stop quand tu veux. Stop. Non, non, ah ouais, direct, là comme ça. Hein. Tu appelles d'où? De Martinique. Ouais, mais ta commune, c'est quoi ta commune? Là, là, elle s'en fout, suspense. Nike Air Max au pied. Hey, bah tu repars avec ta paire de Air Max, tu fais du combien, Miss? Ta pointure. Comment? Ta pointure, c'est quoi? 58. Du 58? 58, j'ai entendu. J'ai entendu 58, hein. 58, ouais. Bon, bah, on va commander une 58 pour toi, alors. Non, mais tu fais quelle pointure? Du 48. Ah, ça tombe mal, on a du 43 à offrir ce soir. Tu rappelles demain? Tu auras un double hit demain. Non, évidemment, c'est ta paire de Air Max qu'on t'offre, évidemment, à ta pointure, ma chérie. Ouais. Avec quelle radio tu gagnes les plus gros cadeaux? Cette semaine, ta radio t'offre ta paire de Nike Air Max. Ouais, on a quoi pour la suite, Yannick? Je crois que tu nous prépares un cocoteur. Depuis tout à l'heure, t'es en train de chauffer quelqu'un. Il s'appelle Lolo Show. Lolo Show. Lolo Show. On va Lolo voir s'il parle de quoi. Hugo s'est inscrit sur les sites de rencontres et mine de rien, il les chauffe toute la soirée. Si tu veux savoir à quoi ça ressemble, par exemple, ça c'était le cocoteur d'hier soir. On les appelle les cocoteurs ou les cocoteuses. C'est les gens les plus chauds et on a envie de cocoteuses. Hein. On a envie de cocoteuses. Ouais, on va essayer. Bon, allez, balance-nous le cocoteur d'hier soir. Avant d'appeler Lolo Show. Ah, j'ai pas trouvé. Hein. Il est où celui d'hier soir? Bah, tu fais juste next. Ah, il est là. Alors, hier soir, ça donnait ça. Voilà, soumission, domination, mais c'est des soirées plutôt libertines, échangistes, mélangistes. C'était un libertin hier soir. On a l'impression que t'as la nostalgie quand tu dis ça. Bref, on a un nouvel appel qui débarque tout à l'heure. D'ici là, on a Dimitri avec nous qui est là pour l'Udiscutable Talent. On a écouté ton titre. C'était le discutable talent le plus court de toute l'histoire de la radio, hein, franchement. On en a pensé quoi? On commence par Nessie. J'ai trouvé ça pas mal, ça s'écoutait bien. Après, c'était pas transcendant, mais c'était pas mal. Fabri, t'en as pensé quoi, toi? Ben, j'ai bien aimé, et ça prouve en tout cas que c'est pas la taille qui compte. Est-ce que ça te va, ça, comme commentaire, Dimitri? C'est un beau compliment. J'ai pas entendu. C'est pour moi. Ok. Moi, ce que j'en ai pensé, mec, c'est que j'ai trouvé que le flow... alors, c'est, tu vois, c'est compliqué. Moi, je fais partie des gens très couillons, en fait, qui trouvent que l'actualité peut initier un certain nombre d'aspirations, tu vois. Et je me dis, voilà. Alors, cette chanson, est-ce que c'est à mettre en rapport éventuellement avec les tentations de la rue? Est-ce que tu t'adresses éventuellement à l'agresseur de Johan pour donner encore plus d'impact, encore plus de dimension, en fait, à ton titre? C'est quoi? Ouais, c'est plus par rapport à la tentation de la rue, mais aussi par rapport à Johan. Ok. En fait, ouais. Ta street credibility, tu sais, c'est un truc qu'on essaye d'évaluer en fonction des personnes, machin, etc. Toi, ta street credibility, c'est quoi en fait? T'as grandi dans la rue, c'est des choses que tu vois tous les jours, t'es de quel quartier? Ouais, ma street credibility, c'est par rapport là où je suis, tout le monde me connaît, dans mon quartier. Ok. Ça fait longtemps que t'es dans la musique ou pas? J'ai commencé à 17 ans. Alors moi, je suis presque tenté de te dire que j'ai été limite un peu frustré. limite un peu frustré de pas t'entendre plus longtemps, parce que mine de rien, c'est un thème aujourd'hui qui fédère énormément de gens, qui en même temps inspire. Et franchement, honnêtement, le 2 minutes 19, je le trouve super commercial. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que t'es super bien placé pour passer dans une session de mix de Tijo Sound, par exemple. Tu vois, c'est très malin. Je sens la réflexion, la stratégie, en fait, derrière. Mais du coup, je trouve ça dommage que tu ne sois pas allé au-delà de la stratégie, que tu n'aies pas raconté une histoire un peu plus profonde, en fait. Ah, ok. C'est mon avis. Si on lui donne un indice de survie dans le milieu de la musique, on lui donne combien, Nessie? Moi, je lui donne 6. 6 sur 10 ? Oui. Sabri ? 6 aussi, parce que lorsqu'on te demande de ta street credibility, c'est le moment où tu es censé big up ton quartier et tu l'as oublié. Ouais. On sait toujours pas de quel quartier tu viens. Mais je viens de Sainte-Marie, pour Achou. C'est là, mon c'est pour aussi. Ça qu'il voulait pas le dire. Il avait honte. N'importe quoi. Faut pas laisser ça passer, frère. Sainte-Marie à Capesterre, c'est pas pareil que Sainte-Marie en Martinique. C'est kiff-kiff. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Évidemment, t'as choisi de t'exposer. Il y a des avis également sur le web, éventuellement hashtag G97, hashtag TraceFM. On a, par exemple, Tenji qui pense que, ben, peut mieux faire. Ça donne l'impression, en fait, quand tu chantes aussi peu, que tu n'en as pas assez sous la pédale. Dempsey, l'eau de mer, il trouve ça trop cool. Gabrielle, elle nous dit que ton nom, c'est co-uniste. Et on a Magical Chris qui dit... Vas-y. C'est bien ça, Dimitri? Oui, tu peux reprendre, je vais jamais revu. Il y a Gabrielle qui nous dit que ton nom, c'est co-uniste. Oui, c'est bien ça. D'accord. Alors, il y a Magical Chris qui, comme disait Hugo, en fait, a entendu cuniste. Genre le mec qui sait faire les cunilingus, en fait. Ah bon, c'est le nouveau cri, apparemment, qu'on doit lancer avant les préliminaires. Ah non, c'est pas ça, c'est co-uniste. Ok, bon ben bref, ça a l'air plutôt pas mal. Évidemment, comme tu t'es plié au jeu, comme tu nous as fait écouter ton titre, t'as le droit de faire ton buzz, t'as le droit de faire ta pub. Si c'est tube aujourd'hui, eh ben ça se saura dès maintenant. Et peut-être dès maintenant, des gens choisiront de te suivre. Où est-ce qu'on te retrouve sur le web? Ok, bon ben, vous pouvez me suivre sur Cognito Officiel. C'est là où je poste toutes mes vidéos, tous mes sons, toutes mes actualités. Yes. Co-uniste officiel. Oui. Je tape, excuse-moi, je tape super doucement. Co-uniste officiel, la page. Yes. Non, pas co-uniste. On revient avec du cocoteur aussi tout à l'heure. Trace FM et Soul Ground présente Virus Riley en live. Le représentant de la nouvelle génération du reggae sera le 30 septembre au domaine de l'Oasis. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 9-7. Le replay. C'est le replay de Génération 9-7. On va parler ce soir. Dirty Talk. Dirty Talk. J'avoue être sensible aux gémissements. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Et pour nos japonais, j'ai du mal. Ah, moi j'adore. Et Doggy Message. Génération 9-7, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir, entre 19 et 22h sur Trace FM. Le replay de Génération 9-7, aussi dispo sur trace.fm. Envie d'un nouveau smartphone, envie d'un nouveau smartphone. Et du bon son qui cartonne, bon son qui cartonne. Alors abonne-toi tout bonnement à une offre d'enfer. Le forfait ça fait bailler ses fers. T'as qu'à choper ton Alcatel Pixie 4, écran 5 pouces. Il est offert et pour un euro de plus t'auras l'enceinte Bluetooth, la célèbre Disco 4. Forfait ça fait bailler ses fers, c'est l'éclat. Dans la limite des stocks disponibles, kit main libre recommandé. Offre soumise à condition jusqu'au 28 septembre pour toute nouvelle souscription en portabilité au forfait SAPE by SFR. Prix en formule Silver, engagement 24 mois. Détails et restrictions en boutique SFR. Buy signifie part. Ensemble, luttons contre la drépanocytose. Préparez-vous au 5K McDonald's 2016 en participant au Zumba Party. Des entraînements gratuits avec les meilleurs profs de Lille, certifiés Trace. Venez danser, bouger, transpirer. Samedi 24 septembre, 16h30 au centre commercial Millénis aux Abîmes. Mercredi 5 octobre à 17h30 à l'Esplanade du port à Basse-Terre. Samedi 8 octobre à 16h30 au McDonald's Montauban au Gosier. Dress code, sport exigé. En partenariat avec McDonald's, Trace FM, Trace Urban, Trace Tropical et Trace Sport Star. Plus d'infos, trace.fm. Ah, la rentrée, sa pression, ses préparatifs. Besoin de faire un break? Burger King vous propose une petite pause gourmande avec son nouveau King Deals à 2,50€. En ce moment, les X-Cream sont à 2,50€ chez Burger King. Oreo, Kit Kat, Crumble et son choix de nappage fraise, caramel ou chocolat, il y en aura pour tous les goûts. Une pause gourmande à petit prix, ça ne se refuse pas. Burger King, le goût est roi. Dans la limite des stocks disponibles pour votre santé, bougez plus. Ce dimanche soir, entre 19 et 22h, Trace FM te rejoue le meilleur de Génération 9-7. Le replay. C'est le replay de Génération 9-7.

les autres tout paré pour que Pyroman passe son temps à gamofing. Mais c'est mesdames, est-ce que ça paré pour que l'homme paye pas seul pas gamofing? Mais c'est mesdames, mes autres tout paré pour que le milito passe son temps à gamofing. Mais c'est mesdames, est-ce que ça paré pour que Amiralty passe son temps à gamofing? Le mix snap, respect that, the area real black. Ça qui pas connaître, y'a pas connaître en patate. Show him respect, everybody boss en chat. Loud up merci. Bien nouvelle génération. Les jeunes qui n'y bon ambition. Bien nouvelle génération. Est-ce tout pour n'en parler pour l'ébullition? Bien nouvelle génération. Les jeunes qui n'y bon ambition. Bien nouvelle génération. Dale puro papi. and make me life bright. Cherry, oh baby, girl, I'm me and you tonight. Hold me in your arms and then you squeeze me so tight. No rush, no fuss, and me say everything right. Girl, you know me love you, me say bad, bad, bad. In a me ask me say me dread on you, me up with me. Hold you close, me girl, me can't get tired. Now leave me, me girl, because you know you're my princess. C'est Alone. Saying she's gonna stay here. My princess gone. Écoute comment on massacre une chanson. And she left me alone. Say she's going to stay here. Somebody say from the t'en as encore des petits souvenirs comme ça? Peut-être tout à l'heure, peut-être. Somebody say Génération 97. Le soir, on prend la parole sur Trace FM 0820 203 200. Appel, exprime-toi en direct. En direct. Dans un petit instant, on a les cocoteurs qui débarquent. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Qui sont les cocoteurs ou les cocoteuses? Les petits cochons d'internet. Ils sont inscrits sur des sites de rencontres. Il s'est fait une mission de porter leurs paroles à l'antenne. Et de chauffer ses malpropres. Ah oui. Alors parce que ce qu'on ne vous explique pas, c'est qu'il les chauffe, il les chauffe, il les chauffe, il les rechauffe, il les rechauffe, il les rechauffe. Mais ils sont déjà chauds de base, hein, ces gens-là. Et en fait, à un moment, ils décident que c'est le bon moment. Tu sais, comme le petit bruitage du micro-ondes qui fait ting. Et là, il les passe à l'antenne. On est en train de chauffer ce soir. Lolo chaud. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble un cocoteur lorsqu'il est piégé en direct à l'antenne sans le savoir, bah c'était ça hier soir. Écoutez bien. Allô? Allô? Oui. Oh oui, ça je te dérange pas, c'est Sarah, on s'est parlé sur Coco. Oui, ça va? Ouais, tu fais quoi? Ben moi, je suis là. Je suis sur le chat, je connais ce qu'il y avait, mais bon, sur vous, je travaille là. Et t'aurais envie de me faire quoi si j'étais avec toi? Là, elle va aller chez Porte. Ouais, tu fais quoi ce soir? T'es disponible ce soir? Je te propose qu'on se voit du mec. Ah putain, je suis toute mouillée. Ah ouais, et t'as déjà eu beaucoup d'expérience? J'ai été libertin un peu en métropole. C'est pas vrai, tu es libertin toi aussi? Ben je suis libertine. En fait, pour tout te dire, j'ai une petite statue de la liberté chez moi et de temps en temps, je me l'insère. Et toi? Voilà, soumission, domination, mais c'est des soirées plutôt libertines, échangistes, mélangistes. Ah d'accord, autant pour moi. Toi, tu parles de soirée et de club libertin. Moi, je parlais d'insertion de statut de la liberté. Aïe, aïe, aïe. Tu es sûr que je te fais comme une petite salope. Attends, je vais me l'insérer, justement. Et en fait, c'est un jouet, donc il y a la voix de Barack Obama qui parle en même temps. Écoute, j'insère ça. And may God bless the United States of America. Ça va? Oui, ça va. Attends, je sors ça et je re-rentre encore. May God bless the United States of America. Heure du décès hier soir, c'était dans la soirée, je m'en rappelle plus. Bref, on appelle une nouvelle personne ce soir, on est en train de chauffer depuis tout à l'heure. Un certain Lolo Show. Ça sera dans un petit instant à Trace Radio 0820 203 200. D'ici là, il y a du Seki. On joue dans Génération 97. On cherche une star locale, nationale ou internationale à travers ses indices. Je joue la comédie, je chante et je compose. Ma musique provient principalement de la pop et de la country. Mon grand-père était un politicien démocrate. Barack Obama. On vient de l'entendre dans le cocoteur. Mais non, son grand-père. C'est un grand-père déjà, Obama? Redonne-moi les indices. Alors, je joue la comédie, je chante et je compose. Ma musique provient... Ma musique provient principalement de la pop et de la country. Pop et country? Yeah. Country parce que... Country. Alors attention, nous allons faire une petite... pause en fait. Alors. A class, yeah. Alors, comment s'appelle la musique avec les guitares qu'on écoute le dimanche matin à Sainte-Lucie? La country. Comment s'appelle ma voiture là, la Mini Cooper? Countryman. C'est comme ça que tu dis? Countryman. The country. Essayez avec moi. Country. Country. Ah, c'est pas mal. Non, elle a dit country quand même. Country. Country. La musique country. Country. Country. Country. Country. Paix à son âme, hein, à ce monsieur qui chantait ses chansons. Country. Just nothing. Vous connaissez ça? 3, 4, 5. Jeff Joseph. Tu es né à quelle époque, toi? C'est pas parce que je suis né à une époque, hein, mec. C'est parce que moi, je vais dans les baptêmes et les communions. Country. Country. Country. Country. On ira pas. Mais s'il dit country, décompose country. Country. Ah, tu vois, ça le fait, c'est ça, ça le fait. C'est comme ça. Bien. On applaudit Nessie, s'il vous plaît. Ouais. Donc, parmi les indices. Donc, ma musique provient principalement de la pop et de la country. Ah, bien joué. Quoi d'autre? Dernier indice. Mon grand-père était un politicien démocrate. On attend vos propositions, on va rajouter un indice. D'accord. On m'a surnommée la reine de Disney. Qui suis-je? Maman? Je pense que... T'es sûr que tu veux penser là? Et sans ton autorisation en plus. Je pense... C'est une petite nana qui fait plein de clips en ce moment? Ouais, elle en fait pas mal. Hein. Elle est d'origine mexicaine ou latine? Peut-être bien. Hein. Oui ou non? C'est possible. Reprends-moi les indices, s'il te plaît. Je suis actrice, chanteuse et je compose. On attend vos propositions. 0820 203 200. Dans un petit instant, on a une très très bonne nouvelle à vous annoncer en direct dans la Trace Radio. Nous sommes le mardi 20 septembre. Nous sommes à quelques mois de cette nouvelle édition. Mais il y a un gros gros truc qui a marqué l'année dernière. Enfin, qui a marqué l'année dans laquelle on est encore. Mais qui revient en 2017. Et ça se passe dès maintenant. On en discute dans pas très très longtemps. On va s'enchaîner un petit Tory Lanez avec Love du côté des mix de Tijo Sound. On va revenir également avec le cocoteur de ce soir, nous chauffons depuis tout à l'heure. Un certain... Lolo Show. Dans un petit instant, ça se passe en direct dans la Trace Radio. D'ici là, jouez Mixey. C'est Tory Lanez avec Love qui débarque avec Tijo Sound derrière les platines. A tout de suite. Play a tune. Tune, play a tune. No matter diamond, play a tune, play a tune. Hey, everything nice, everything a place now. Mais moi l'ambiance, mais moi le feu met basse là. Ni 5 secondes pour trouver un partner. Pas moins de plus, c'est qui whine et basta. And you show pata show le mato show la pampa show pata show le mato show la pampa show pata show le mato show la pampa show pata show le mato na feu bye snapchat bye snapchat na sinon bagay pou fè fuck nou fè maintenant fè konsi pou vite carrété winette pas tout pas tout t'es pas quitté pour restant zambé pas gommé pour pièce femme pas levé pour la jazz ça qui tourne Vietnam. Belle garçon veut parfois c'est le vêtement mais toujours en mode with a man toujours en mode Vietnam. Bye snapchat now everything nice everything a plan now si nos bagailles pour faire fuck nous fait maintenant à douce bye snapchat now party queen show pata show le mato show la pampa show pata show le mato show la pampa show pata show le mato show la pampa show pata show le mato la feu. Oh calme, son qui l'offre. Si t'es pas Walpa, oui tu es ma copine off. Connexion Wi-Fi, nous ka check you à distance. Nous pas qu'à mélanger à nos cabas. Allo qui bosse hey. Ou ka casse tête, l'on casse dos, l'on casse corps. Kaka respect, pas la peine, t'en casse corps. On y 5 secondes pour trouver un partner. Si bye bye, en faveur, arrêtez bye gana hey. Casse corps, casse dos, casse corps. Casse dos, casse corps, casse dos. Casse dos, casse corps, casse dos. Casse corps, maman hey. Bye snapchat, bye snapchat na. Everything nice, everything a plus now. Si n'y a pas qu'il faut faire, pas nous faire maintenant. A dit c'est pas snapchat, pas snapchat now. A dit oui, show patate sur le matin, sur la pampa. Show patate sur le matin, sur la pampa. Show patate sur le matin, sur la pampa. Show patate. Venez-moi tout ça commencer, mais histoire là pas clair. Venez-moi non non tout monter, parce que femme dans la gaplay. Et pour un fois qu'il a chanté, c'est tout quoi qu'il a fait mal. Il s'est le dit qu'il a manqué, mais ça qu'a fait peur. Peut-être lui aussi c'est ça qu'il a pensé, mais ça va certain. Pour manier pour un effort, c'est bon, j'ai celle qui sort. Et pour la ligne au ciel, puis qu'a regardé, puis qu'a senti, c'est tout quoi qu'il a mobile. Il s'est le vivant, c'est pour peut-être un jour ni en chance d'y dormir en braille. En braille. Génération 97. Ici, c'est la libre antenne des auditeurs. On est rejoint du côté du standard avant notre appel à la hotline des cocoteurs par Jackson. Et pourtant, tu as le profil en fait, hein, mec. Tu as le profil. Salut Jackson, bienvenue dans Génération 97. Ça va? T'es à l'aise? C'est cool? On t'a servi à boire ou pas? On t'a pas proposé à boire? Mais si, on lui a donné des petits. C'est normal, t'as un robinet chez toi, non. Tu te mets en dessous, tu l'ouvres. Non. C'est comme ça. Mec, attends, tu vas parler à la radio, j'espère que t'as la voix claire. Je sais pas, quoi. Ça va? Cool? Oui, ça va. Cool. Jackson, t'es là parce qu'on va parler tout à l'heure avec toi. Tu as un fantasme et t'as décidé de le partager avec la génération 97 ce soir parce que tu te poses plein de questions par rapport à ce fantasme. Au départ, j'ai cru à une blague. Mais peut-être pas, en fait. Peut-être que t'es très sérieux et peut-être que simplement t'as... C'est pas une blague ? Non. Alors c'est marrant parce que quand je t'ai eu la première fois au téléphone, tu parlais déjà comme ça. De qui tu te caches, mec ? Non. Il y a du monde autour de toi ? Il faut que tu parles, que tu articules un petit peu plus en fait dans le téléphone, mec. Tout le monde est au lit. Tout le monde est au lit. Il y a beaucoup de monde autour de lui. Tu voulais partager ce soir un fantasme avec nous, on en parlera tout à l'heure. C'est quoi ton fantasme, mec ? Comme j'ai expliqué que j'aime voir les pieds des filles. Tu aimes voir les pieds des filles ? Jusque-là, rien de choquant, mec ! Juste les pieds, rien d'autre ? Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Alors, t'arrêtes au pied, quoi. Explique-nous comment ça s'est passé à la base, en fait. Bah, la base, c'est les pieds. Non, mais on a compris la base de ta base. Parce que toi, tu comprends et peut-être même que tu partages. L'idée, c'est de comprendre lui, en fait, qu'est-ce qu'il a amené à ça. En fait, comment t'as découvert les pieds? Que t'aimais les pieds. Comment? Depuis petit, il a dit. Petite, moi. C'est vrai que quand t'es petit, en fait, tu vois surtout les pieds. Alors... Bon, alors, explique-nous. Vas-y, rentre dans le lard, mec. Arrête de tourner autour du pot. Dis-nous, c'est quoi le truc? C'est que ça m'attire et je ne sais pas comment m'en défaire. Alors, les pieds, ils font quoi, en fait, pour que ça te fasse kiffer? Ça me fait bander. Non, mais... Mais quel genre de pied? Tous les pieds, il faut qu'ils soient comment pour que ça te fasse bander? En fait, tu sais, moi j'ai fait des photos sur ma tablette. T'as des photos de pieds? Oui. Ok. Ouais. Des pieds de gens connus ou pas? Ouais, connus. D'accord, ok. En ce moment, les pieds qui te font kiffer, c'est les pieds de qui? T'as de connu par exemple sur ta tablette? Listo BG. Quoi? Listo. Listo. Lifto, c'est qui Lifto? Enfin, peu importe, on va taper. C'est plutôt. Bref, c'est les pattes poilues ou c'est les pieds qui te font kiffer? Non, c'est les pieds. Ok, on va en parler tout à l'heure. Le temps de se mettre un petit peu en place, il faut qu'on se prépare aussi psychologiquement. C'est vrai que tu t'en doutes bien, ça nous fait sourire la manière dont t'es pas à l'aise avec la chose. Si ça se trouve, ouais, c'est totalement normal. Et peut-être qu'il y en a dans le studio qui partagent également ta passion. 0820 203 200. D'ici là, on a une grosse annonce à vous faire. On débarque dans un petit instant avec. Ça concerne la Caraïbes Zik, j'en dis pas plus. Restez dans un petit instant avec nous, on revient juste après Karine et Ménie. A tout de suite dans Génération 97. Une fois par mois, les studios Trace FM de Génération 97 se transforment en Big Scene Live. Trace FM t'offre chaque mois un de tes artistes préférés en showcase ultra privé dans ses studios avec les forfaits Play d'Orange. Ce vendredi 30 septembre, c'est la rentrée de Génération 97 Live. Une édition très spéciale pour accueillir la star jamaïcaine, Cécile. Ce vendredi 30 septembre, entre 19 et 22h, Trace FM reçoit Cécile en showcase exclusif pour toi avec les forfaits Play d'Orange. Plus d'infos, trace.fm. www.trace.fm. Envie d'un nouveau smartphone et du bon son qui cartonne? Alors abonne-toi tout bonnement à une offre d'enfer. Le forfait ça fait bailler ses fers. T'as qu'à choper ton Alcatel Pixie 4, écran 5 pouces. Il est offert et pour un euro de plus, t'auras l'enceinte Bluetooth, la célèbre Disco 4. Forfait ça fait bailler ses fers, c'est l'éclate. Dans la limite des stocks disponibles, kit main libre commandé. Offre soumise à condition jusqu'au 28 septembre pour toute nouvelle souscription en portabilité au forfait sapé by SFR. Prix en formule Silver, engagement 24 mois. Détails et restrictions en boutique SFR. Buy signifie part. World Creole Music Festival revient avec Trace et Martinique Première. La culture caribéenne vous donne rendez-vous du 28 au 30 octobre pour la 19e édition du Festival de la Dominique avec Econ, Popcorn, Ophelia Chabanton, Morgan Heritage, Michael Anderson, Midnight Groovers, Crayola et le grand méchant Zouk. Au total, plus d'une vingtaine d'artistes. World Creole Music Festival. Du 28 au 30 octobre 2016. Un événement Martinique Première et Trace. En partenariat avec le ministère du Tourisme de la Dominique. Info sur www.wcmfdominica.com et sur www.discoverdominica.com. Ah, la rentrée, sa pression, ses préparatifs. Besoin de faire un break? Burger King vous propose une petite pause gourmande avec son nouveau King Deals à 2,50€. En ce moment, les X-Cream sont à 2,50€ chez Burger King. Oreo, Kit Kat, Crumble et son choix de nappage fraise, caramel ou chocolat, il y en aura pour tous les goûts. Une pause gourmande à petit prix, ça ne se refuse pas. Burger King, le goût est roi. Dans la limite des stocks disponibles pour votre santé, bougez plus. Le soir, c'est Total Libre Expression sur Trace FM dans Génération 97 avec ton amigo en mode déter déter. Amigo Fun and Fruity Life. Fun and Fruity Life. Tous les soirs sur Trace FM. Big up DJ Son, Big Bad DJ. Hadji. Oh oh. la seule à vivre notre amour. Toi, tu ne le vois pas. Je suis fatiguée d'être ta roue de secours. Je ne peux plus vivre comme ça. Tu m'appelles que pour faire l'amour. Je suis pas une teinte déjà. Si je pars, je ne peux plus demi-tour. Alors s'il te plaît, dis-moi. C'est jardin qui va mourir, et pourtant c'est moi ou l'est. Moi ni l'amour maladouin. Ou qu'après yo qu'a dit c'est moi qui mauvais. Yo dit ou pas mériter moi, c'est fonché ou qui pas bon. Et pourtant à ton molé, oh non. Tout qu'un l'amour maladrette. Ou qu'a fait yo qu'a dit à toi qui mauvais. Moi pas si mauvais. Je t'aime fort mais ça sens unique. Où sont ces moments où j'ai des tableaux magiques. Faire mon cœur sans toi, moi. J'ai tout misé sur toi, moi. Mon pote saoulé quand tu fais le MG. Mais me respecter, c'est te respecter. Mon cœur se bat dans tous les sens. Si le tien est en guerre, on n'a aucune chance. Dis-moi pas mérite, c'est chagrin qui va nous. Et pourtant c'est moi ou l'est. Moi ni l'amour à la douleur. Ou qu'a fait les yoga, tu sais moi qui mauvais. Seen a girl like you, you're hotter than the sun. Hotter than the sun, yeah, you're hotter than the sun. Me and you together in the island having fun. Under the influence of sweet coconut rum, girl. Magical vibe, I don't want to be done. Nothing to give me your love. Right ya so, spread it right ya so, turn it back way, skin it out ya so, put your tongue right ya so, bite right ya so, now go fuck your right ya so, girl. You are me so busy, me are your dominant. What me say goes, everything else irrelevant. You discipline like a soldier, we in a jump. Become a deal with your pussy so militant. When you choke you, choke, box you, whisper in your ears, then ask you. Everybody gather round. Everybody gather round. Up, down, down, down. Me ready for you, girl. No matter what me say, me ready for you. I just one phone call. Me ready for you, girl. And when you call me, me ready for you. Don't call, call. Me ready for you, girl. No matter what me say, me ready for you. I just one phone call. Me ready for you, girl. And when you call me, me ready for you. Voila! Oui! Having fun, winding up, big bottom, tom, tom. Put your hand in the air. Big up DJ Son, big up DJ. Watch, oh oh. Balola, balola, balola, balola, balola. Dans un petit instant, on revient avec Jackson. Jackson, il a une petite lubie, un petit fantasme. On annoncera également officiellement le grand retour de Caribzik pour 2017. La grosse croisière où les gens se sont beaucoup amusés. Hashtag G97, hashtag Trace FM, on en parle dans un petit instant avec Mathieu, l'organisateur. Et puis, on discutera également avec Yasmine. Yasmine croit avoir trouvé le c'est qui. Ah, tu vas nous mettre le l'hymne. Tu l'as? C'est pas normal. Je croyais qu'il y avait ce son que sur mon iPod. Yo yo, this is the biggest collab. Ces images t'ont donné envie de participer à la Caribzik. Le clip était tourné à bord. Ils reviennent 2017. Et ce soir on fait l'annonce officielle. Dab. La fumée dans les poils. Nous étions 600. Aou, aou, aou, nous serons 900. Aou, aou, aou. Guadeloupe, Martinique, Guyane, un coup de gueule, un délire, le soir. Exprime-toi librement au 0820 203 200 dans Génération 97 sur Trace FM. Nous avons Mathieu qui nous rejoint, il est l'organisateur de la Caribzik. Salut, salut l'équipe. Avant qu'on te réponde, avant qu'on te parle, avant qu'on te... On va commencer par merci. C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons vécu la Caribzik l'année dernière. C'est avec beaucoup d'émotion donc que nous accueillons la Caribzik 2017. Avec cette même émotion intacte, ce même plaisir de privilégier d'avoir vécu la première. Et en même temps, et en même temps. Et une première fois, ça s'oublie pas. Et en même temps. Tu m'as pas toujours dit merci. Mathieu est avec nous dans le Trace Studio. Annonce officielle de la Caribzik 2017 dans un petit instant. On découvrira le line-up, on parlera, on évoquera également des souvenirs qu'on a en commun parce qu'on était à bord avec notre studio de radio. On a tâché le mieux possible d'ailleurs de vous permettre de vivre cette croisière pour ceux qui étaient restés à terre. Cette année, c'est votre chance. Cette année, c'est l'occasion d'embarquer avec nous. Nous étions 600. Nous serons 900 cette année. 300 personnes de plus, voire peut-être 1000 apparemment, si j'ai bien compris. Si on blinde le bateau, on est 1000 à l'intérieur, 1000 à faire des étapes à travers 7 pays de la Caraïbe, 7 endroits différents à faire du tourisme et à profiter également de la musique et d'un line-up qu'on va vous révéler dans un instant, Mathieu. J'en dis pas trop, hein. Pas trop. Pas pour l'instant. Évidemment, hashtag G97, hashtag Trace FM pour ceux qui veulent en participer, qui veulent y participer en l'occurrence. On va vous expliquer comment faire. C'est-à-dire que vous vous êtes fait discret, quoi, depuis la fin de la Caraïbe Musique 2016. J'ai l'impression d'ailleurs même qu'il y a eu un nouveau virus, une espèce de maladie qui n'existait pas auparavant, une espèce de grippe très particulière qu'on attrapait que sur, ouais, le Caraïbe Zika. Ouais, ou le Zika. Tu l'as eu ou pas, le Caraïbe Zika? J'ai eu le Zika. Je suis resté pendant 3 jours. Au fond du trou. Je t'explique un truc, mec. Ah. Je suis rentré de cette croisière. J'étais malade. Mais j'étais visiblement suffisamment pas malade ou plus courageux que les autres pour tenir mon antenne. Ah. Sabri a décédé de ses blessures au bout de 3 heures après avoir touché terre au retour du bateau. C'est vrai en plus. Il y a d'autres co-animateurs qui sont tombés au fur et à mesure malades. J'ai tenu jusqu'au bout. Il y en a qu'on n'a jamais revu. Il y en a qui... Il y a une partie 2 qui est restée à la Caraïbe et visiblement c'est la partie qui permettait de bouger les jambes. C'était eux et leurs valises, hein, d'ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Bref, je dis ça, je dis rien. Bref, on en a vécu des choses en 2016 avec la Caraïbe Musique, elle revient en 2017, on en parle dans un petit instant, mais avant ça, on a Jackson avec nous du côté du standard. Jackson, il a un truc un peu particulier, il se pose des questions, il a décidé de les poser à haute voix. On comprend pas forcément tout ce qu'il dit, mais ce qu'on a compris en tout cas, c'est ce qu'il kiffe. Il kiffe les pieds. Il kiffe les pieds et visiblement, il en a une petite collection sur sa tablette. Lui, son plaisir sexuel passe par les pieds. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On a plein d'auditeurs qui ont des questions pour toi sur le web. On a Wendy par exemple qui te demande, est-ce que tu préfères les pieds vernis ou pas, le 38, le 47, les pieds d'homme ou de femme? C'est la question. On va faire ton c'est pas sorcier, Jackson. Jackson, c'est quoi le type de pied qui te fait kiffer? Les femmes. Le pied de femme. Comment? Tout quoi. Grand, petit, comment? Peu importe. Même les ongles mal coupés, ça t'excite? Comment? Les ongles mal coupés. Avec du noir en dessous. Oh là là. Mais... Oh. Les pieds pas entretenus en fait, si tu veux. Il faut que le pied soit beau, il faut qu'il soit verni, il faut que. Enfin, qu'est-ce que ça t'évoque en fait les pieds? Il faut que ça soit verni, pied joli. Quelle couleur? Rouge, noir, c'est bon. Donc si le pied est très beau et que la fille est moche, c'est pas grave. Non, je veux savoir. Moi ça serait rédhibitoire, mais lui il s'en bat les couilles. Il s'en bat avec les pieds en plus les couilles. On a Didis qui dit, le gars chuchote, il a peur que sa mère arrive. Mon gars, s'il le faut, va dans le fin fond de ton jardin pour articuler, mais trouve un endroit où tu peux discuter avec nous, parce que là c'est simplement pas possible. On t'entend très très mal. Jackson, est-ce qu'il y a moyen que tu bouges? Est-ce qu'il y a moyen? Et va chez les voisins. Ouais, je sais pas, va ailleurs quoi. Si tu veux qu'on discute de ton truc, on en discute volontiers avec toi, mais il faut juste qu'on t'entende quoi. Bouge pas, accroche pas, on va régler ça du côté du standard. On a Yasmine qui va nous rejoindre également, elle c'est pour du séki. Salut Yasmine, bonsoir, comment ça va? Allô, allô. Salut, ça va. A priori, tu as trouvé l'artiste qu'on cherche ce soir. Je dis a priori. On récapitule les indices, tu bouges pas, tu raccroches pas, on y va. Les indices. Je suis actrice, chanteuse et je compose. Ma musique provient principalement de la pop et de la country. Mon grand-père était un politicien démocrate. Qui suis-je? Il y avait un quatrième indice. C'est vrai. On m'a surnommé la reine de Disney. Tu penses à qui, Yas? Elle est sérieuse. Et non, c'était Serena. C'est Léna. Ah, c'est pas vrai. Léna Gomez. Non, c'est pas vrai, c'est bien ça, tu arrives. Bonne réponse. Non, parce que maintenant, désormais, Nessie trouve qu'elle fait pas assez de blagues dans l'émission, donc elle en fait dans sa propre rubrique. Ouais. Ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est pas le moment de faire des blagues, là. Elle s'est dit que Gilles Saint-Louis allait faire son one-man show. Elle s'est dit, pourquoi pas moi, ok? D'ailleurs, c'est le titre de son spectacle que vous retrouverez en décembre 2019. Ça pourquoi s'appelle pas moi? Pourquoi pas moi? Ok? Le spectacle de Nessie en one-man show, c'est la bonne réponse. C'est toi qui repars avec les cadeaux. Okay. Tu bouges pas, tu raccroches pas, Miss. On te met ça de côté. Bonne soirée, 0820 203 200 également sur le net, www.trace.fm. Vous l'aurez compris, donc dans un instant, Breaking news. On parle de la Caribzique avec Mathieu Corosine. On évoquera pas mal de souvenirs, pas mal de choses qu'on a décidé également de pas évoquer jusque là, notamment à propos de cette semaine de croisière qui nous a fait découvrir du pays, mais en même temps vivre les plus grosses scènes, les plus grosses ambiances, les plus gros dance floor de la Caraïbe réunis dans une seule croisière. C'était la Caribzique 2016. La 2017 débarque. On en parle ce soir et on vous fait toutes les indiscrétions possibles et imaginables sur le plateau. D'ici là, on se fait un petit TKMJ avec Stony et on revient juste après avec un appel aux cocoteurs. À tout de suite. Ou bon mwen love en barricade mwen en bas aucun plein wash pour en pas dormir au wow. En savoué mais mwen compatine mais love en patine peut-être en con youtube. Et depuis tout jeune mwen en faire promesse en rentrer en problème la paix m'a caissé les vents. Bon t'es trop jeune pour supporter ça ou t'es moins changé bas ou calaque moi. Vie mes fin pas chahé moi. Sans m'y en font comprendre qu'en pas rien de bon. Sou pas t'écouter parole à intel. Peut-être jodi jour nous t'es ensemble. Tous les deux nous fait chemin. Jod là nous pas rien encore. En espérant qu'un rouvreur. En pas même moun là encore. Et si ça vraiment fin. Je dis j'ai mal la vie séparée de nous. C'est pas un mis en moi qui fait la peine envahie qu'en moi. C'est vous qui fait moins souffrir, pas charme, moins l'amour. En TV, bon, tout est resté au moins. On te give all love, oh oh. Mais bon, après tout, qu'en moi, j'ai viré moi, mais toujours. Parole c'est les vents abandonnés, girl. On veut pas faire souffrir. Prenez pas la vie non randonnée. Donc, en qu'elle laisse la faire. En qu'à songer ou avant de dormir. Et en jusqu'à rêver d'elle. Avant ou partir, espérer qu'on puisse prendre soin d'elle. Et si ça vraiment fait. News. Nous sommes le mardi 20 septembre et en mars dernier, certains d'entre vous ont kiffé. Vous étiez 600, nous sommes attendus entre 900 et 1000 personnes quand même cette année. La Caribzik revient, nous avons avec nous Mathieu Corosine, l'organisateur. Il est venu avec son t-shirt et tout. Prends une photo. J'avais oublié qu'on était à la radio et qu'on voyait pas. Bah si, je rigole maintenant avec live Facebook, avec toutes les photos, c'est foutu. On va mettre évidemment ces petites images sur le web. Ça y est, c'est officiel. Vous l'avez annoncé en début de soirée. Ça commence à enfler. La rumeur, elle enfle, elle enfle, elle enfle. Caribzik revient en 2017. Ça y est, Caribzik revient. Rendez-vous à tout le monde en mars 2017, du 11 au 18 pour les Martiniquais et du 12 au 19 pour les Guadeloupéens. Alors, il faut expliquer qu'évidemment, c'est là. Alors, tiens, j'ai envie de dire, tiens, on va commencer par un coup de gueule, tiens. Ça veut dire que les Guyanais, en fait, il vaut mieux qu'ils partent, en fait, du port d'attache, soit Guadeloupe, soit Martinique, peu importe. Exactement, mais comme l'année dernière, ils ne sont pas laissés de côté, nos amis de la Guyane, il y aura des packages pour eux. Ils étaient présents cette année, ils seront présents l'année prochaine aussi. Découvrons la Caribzik. Une semaine à découvrir différentes îles de la Caraïbe. Parmi elles, Saint-Kitts, Tortola, République Dominicaine, où tu apprends à parler très bien et très rapidement espagnol pour l'instinct de survie, pour négocier le prix. Il y en avait qui étaient déjà experts, hein, niveau espagnol. Je dis rien. Il y en avait dans l'équipe qui était doué. Saint-Martin. Antigua. Ah putain, on dirait que, tu sais, on fait genre un battle. On en a oublié, il y a évidemment, selon le port d'attache d'où tu t'en vas, la Martinique et la Guadeloupe, on les a vraiment tous cités. Je crois qu'il y a les îles Vierges aussi. Ah, qui ne le sont plus depuis. Qui peuvent plus s'appeler comme ça en tout cas. Les îles Vierges britanniques. Il s'agit de Tortola, mon ami. Ah, excuse-moi. Bon, d'accord, ok. Bon, c'est la mer Noire. Si ça se trouve, le mec, tu sais, il s'est levé, il a ouvert les yeux, tu sais, il s'est levé, il fait, on est où? On est à Tortola? Ok, réveille-moi quand on est aux îles Vierges britanniques, s'il te plaît. Hein? Il s'est rendormi. Ah, un nouveau pays! Bah, je me rappelle qu'il y a un endroit où on n'est pas descendu du tout. Je sais plus ce que c'était, mais on était dans le noir. Je crois que moi, je crois me rappeler. Alors Antigua, on est descendu parce qu'on a fait une énorme beach là-bas avec Flippo. Je sais que Saint-Martin, on est descendu. Il y avait Kalash et Admiralty sur scène. Sur la plage, ouais. Ouais. Je me rappelle que je crois que c'est Saint-Kitts, on n'est pas descendu. Je crois que c'est ça. On a juste vu le bateau. Il y avait un gros bateau à côté, plus petit que le nôtre. Mais c'est tout ce qu'on a vu d'aller. Un bateau de croisière, il jouait de la musique classique, tu sais, à côté. On est arrivé, on a ancré le bateau et je crois que tout le monde est resté à bord ce jour-là parce que franchement, honnêtement, on était décalqués. De fatigue, évidemment, de fatigue. 7 jours consacrés à la fête, à la musique, 7 jours consacrés à un festival, mais en plus la possibilité de visiter, en fait de voyager géographiquement à travers 7 endroits dans la Caraïbe. C'est unique, je crois qu'il y a très très peu d'exemples de croisières musicales à travers le monde. Exactement, en fait, il n'existe que 10 projets comme ça dans le monde, en fait. 10 types de festivals sur un bateau de croisière et en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, eh ben on a le nôtre. La Caribzik revient cette année, est-ce qu'on a les dates exactes? Alors on a les dates exactes, départ de Martinique, nous partirons le 11 et nous reviendrons le 18 mars 2017 et en Guadeloupe on partira le 12 pour revenir le 19. Ok, est-ce qu'on a une idée du line-up? Alors on a une petite idée du line-up, Alors tous les noms pour l'instant sont des noms confirmés et sont des noms qu'on a décidé de vous avouer, de vous annoncer. Exactement, il s'agit de la première partie de la programmation. Ouais, alors, j'aime bien cette petite phrase qui dit « Toute liste n'est pas... Comment c'est quoi là ?» Une liste non exhaustive. Ouais, liste non exhaustive de ce qu'il y aura au programme de la Caribzik cette année. Exactement. Alors on va quand même commencer par notre ami Wayne Wonder qui a animé toutes nos soirées, toute notre jeunesse récemment aussi, il me semble. Yes. Ouais. Notre ami Tania Stephens. Attends, va pas si vite. Je mets en musique ce que tu dis, tu vois. Fais Wayne Wonder. Voilà. C'est ça. Ouais. C'est aussi le mec qui a chanté ça. C'est aussi le mec qui a chanté Friends Like Me. Exactement. C'est aussi le mec qui a chanté Anything Goes. Exact. Il y a aussi à bord cette année dans la Caraïbesique. Tania Stephens. Oh, it's your pity. It's a pity. C'est elle aussi qui chantait The Streets, rappelez-vous. Ah ouais. Une reggae woman avertie. Qui d'autre à bord de la Caraïbesic cette année? Je crois qu'on a Allison Hynes. Aïe aïe aïe. Vas-y, chante ça un peu, voir. Wallet Gal, Wallet Gal. Oh. C'est pas le souvenir que j'ai de la chanson, bizarrement. C'est sûr. Ah bon. C'est beaucoup mieux là comme ça, non? Ouais, à peine. Y a qui d'autre à bord de cette Caraïbesique? On a volontairement ramené des amis DJ de la Caraïbe anglophone, parce que Caraïbesique, c'est un projet caribéen. Donc on a invité aussi un groupe de DJ qui s'appelle Nuphoric, qui est super connu à Trinidad. Et il s'agit d'un entertainer et d'un DJ qui ont d'ailleurs bossé avec Machel Montano pendant très longtemps. Ah bien. Et qui seront présents sur la croisière. Et après on a bien sûr, pour continuer sur les DJ caribéens, on a notre ami DJ Puffy qui a animé quelques soirées ici d'ailleurs. Puffy qui a eu l'occasion de mixer des samedis soirs dont j'ai sur trace. Exactement, voilà. Donc un habitué de la maison. Un barbadien si je dis pas de bêtises. Barbade, exact. Et bien évidemment, on a besoin de nos représentants locaux, puisqu'on va avoir notre ami Paye qui sera sur le bateau et notre ami Missy Sadik qui viendra de Guadeloupe aussi. Yes. Ça fait beaucoup de monde et en fait on vous rappelle évidemment que cette liste n'est pas exhaustive. Hashtag G97, hashtag TraceFM, hashtag Caraïbesic aussi désormais, parce que évidemment c'est tellement costaud comme truc. Moi je me rappelle d'un truc, je me rappelle des gens qui ont fait une partie de la Caraïbesic et qui sont tombés malades, et des gens qui ont, une fois qu'ils avaient guéri, fait l'autre partie de la Caraïbesic. Pour ne pas que ça vous arrive, on s'y prépare suffisamment tôt. On en parle dans un petit instant à Trace Radio, hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820 203 200. À tout de suite sur TraceFM, on revient. Tu souhaites agir pour protéger l'environnement de notre île? Rejoins l'opération Pays Propre, 12e édition. L'association Entreprises et Environnement et TraceFM te donne rendez-vous les vendredis 30 septembre, samedi 1er et dimanche 2 octobre. Inscris-toi avant le mardi 20 septembre pour nous aider à nettoyer nos sites remarquables et partager un moment convivial. Toi aussi, implique-toi dans une opération d'intérêt public en découvrant ou redécouvrant la beauté de la Martinique. 130 tonnes de déchets récoltés lors des dernières opérations. Plus d'infos sur www.entrepriseenvironnement.com. Trace FM, éco-citoyen toujours engagé. Et toi? Trace FM. www.trace.fm. Lundi 26 septembre, c'est ton rendez-vous du mois. 97 People. Et Trace Urban t'a concocté une émission spéciale vacances. Rencontre les vacanciers de la Mercury Beach à Sainte-Lucie. Une fois n'est pas coutume, c'est leur playlist qui est à l'honneur dans 97 People. Tous ont choisi le titre de ces vacances 2016. En bonus, les images des concerts de Machel Montano, Feyan Lions et Bunji Garlin. 97 People spécial vacances. 97 People spécial vacances. Lundi 26 septembre à 19h aux Antilles et 20h en Guyane sur Trace Urban. We love hip hop and R&B. Ce programme vous a été présenté par McDonald's. Le soir, ta radio se lâche. Tu peux tout nous dire. Trace FM, Génération 97. Ta liberté d'expression au 0820 203 200. Hey girl, hey girl. Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Girl, bend over. Come wine till you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. Girl, I know you got the glue, know you got the glue, know you got the glue. Come broke off your back, broke off your back. Broke off your back, girl. Oh, you a ramp with, on a game. Anytime you're ready, girl. Let me name. The place get wet like in a rain. And I make you feel high like on a plane. She say I saw the love, the act. Baseline sweet and I touch his back. Dancing, she love to that, girl. Coach the chat. Come wine till you broke off your back. broke off your back, broke off your broke off your broke off your back, if you broke off your back, broke off your back, broke off your broke off your broke off your back. Girl, you know you got the glue, know you got the glue, know you got the glue. Come broke off your back, broke off your back, broke off your broke off your broke off your back, girl. Girl, your body hotter than a suntan. You make me turn up at attention. You pretty like the melodies in a me song. You say cooking while your mother give you make your body drop. Girl, any problem you got, I woulda fix it. And when you dance to me song, it turn a big hit. Bop, bop, bop like a drum on a beat. It's your tight like a secret. So you feel wine till you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. Girl, you know you got the glue. Know you got the glue. Know you got the glue. Come broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back, girl. Why this make you feel like though? Why you feel? Like? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Why this make you feel like though? Girl, you feel mine till you broke off your back, broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. Girl, you know you got the glue, know you got the glue, know you got the glue. Come broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back, girl. Yeah, yeah, ladies, I'm here. Génération 9-7. Le soir, la première libre antenne des Antilles Guyane est sur Trace FM. Merci d'être avec nous dans Génération 9-7. On est avec Mathieu Corusine, il est l'organisateur de la Caribzik. Hello. Elle a eu lieu en 2016, il y avait 600 personnes triées sur le volet, 600, comment dirais-je, précurseurs, ambassadeurs. Caribzikers. Des Caribzikers, ouais, parmi les premiers à avoir fait confiance à cette aventure et ne surtout, surtout pas le regretter. 600 personnes, ça a été l'occasion effectivement d'augmenter en fait le nombre de personnes qui pourront participer à la Caribzik 2017. Cette année, ils seront... 900. Et ça, c'est au bas mot. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, qu'on vous explique bien les choses, en fait. Il y a des cabines doubles et des cabines triples. Évidemment, ces cabines doubles sont des cabines doubles. Mais les cabines triples, si tu choisis de la prendre avec ton couple, parce que effectivement, enfin, c'est une mauvaise idée, hein, de partir à la Caraïbe. Vas-y, vas-y. Je te prends l'exemple, ok? Vas-y. Allons-y, je te fais le schéma. Ouais. Pythagore, okay. Sors de ce corps. Voilà. Tu as des chambres doubles où tu peux être donc à deux personnes. Il y a okay des chambres triples où, on où peut tu peux être à trois. Ok. Uh-huh. Si pour une raison ou pour une autre, les chambres doubles partent tellement vite, oui, qu'il y a des couples qui ont envie d'être tout seuls dans une chambre triple. Eh ben tu enlèves une personne chaque fois. Ça veut dire que concrètement, on peut être de 900 à 1000 personnes. Si les gens respectent la chambre triple en la prenant à 3, on sera 1000 personnes. Ah, mais si pour une raison ou pour une autre, Sabri, tu as envie d'aller avec une chair là-bas. Ouais. Ce que tu ne fais pas parce que tu sais. Ce que tu ne feras pas parce que tu sais. Ok. On est quadruple aussi. Hein. On est... Ah, il y a des chambres quadruples. C'est Kevin Eve, officiel AI. Et puis la jachère. Et puis il va voir ce qu'il y a sur le bateau. On appelle ça les cabines polygames. On a vécu des trucs de fou à cette. Et c'est pas juste de la liesse, c'est pas juste. Franchement, honnêtement, il y avait une atmosphère très très particulière sur cette Caribzik. Ah, j'ai parlé beaucoup de langues. D'ailleurs. Des langues que je ne comprends pas. Mais j'ai parlé quand même. La semaine prochaine, on aura l'occasion de revivre des petits moments volés en fait de cette Caribzik qui sont restés jusque-là très discrets. Qui n'ont c'est pas... ça la solution pour que j'apprenne l'anglais, Yannick. Ouais, non, mais franchement. Ça va m'aider, non, je le sens. En toute honnêteté, on n'a plus aucun espoir sur ton anglais. Si, donc il vaut mieux que. Croire. Mais non, mais personne parle anglais à bord de la Caribzik. Ça parle espagnol, ça parle créole, ça parle français, mais personne parle anglais. Mais en même temps, tout. Ah si, l'équipe de sécurité israélienne. Oh you là don't là. Want to have problem, don't film my guys. Don't film my guys. Hey, Kalash is on the boat. Is Kalash is on the boat. I love Bando. La vérité vraie de ma très, vie. Très chaud. Les Israéliens qui faisaient la sécurité, on n'est pas censé les évoquer parce qu'en fait, c'est les mecs qui font la sécurité et vous vous doutez bien, évidemment, avec tout ce qui se passe dans le monde, que concrètement, la sécurité d'un bateau, c'est. On rigole pas avec. Mais les mecs, ils connaissent. connaissais les sons de Kalash. Moi, ça m'a rendu dingue, hein, franchement. Je me rappelle évidemment aussi de Emily qui était au SPAC. Franchement, c'était un truc énorme. On se croisait au SPA, on se croisait au bar, on se croisait dans les soirées. J'ai pas compris pourquoi une jeune demoiselle m'a contacté cet après-midi. Maintenant, je vois. On a relancé un Karim Zik, tu réapparais. Bref, les dates, on les redonne. Ça sera du 11 au 18 mars prochain, évidemment. Ça, c'est pour la Martinique. C'est le 12 au départ de la Guadeloupe, exactement, jusqu'au 20. Exactement. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Le parcours, effectivement, sur les îles est le même. Mais en revanche, l'organisation ou les pool parties, tout ça, il y a pas mal de nouveautés qu'on aura l'occasion de vous annoncer la semaine prochaine, parce qu'effectivement, on va pas tout vous dire le même soir. Ça, c'est certain. Tania Stéphane, il faut le retenir. Wayne Wonder est également sur scène. Des DJ locaux, des artistes également locaux pour représenter Mada Guada. Mais la liste qu'on vous a donnée ce soir est loin d'être exhaustive. C'est loin d'être terminée. La semaine prochaine. Je vais expliquer parce que exhaustive, c'est quoi l'exhaustive sera pas la liste n'est pas fermée. Et la semaine prochaine, on aura déjà des nouvelles choses à vous annoncer à bord de cette Caribzik 2017. Sinon, plus d'infos sur le site et sur le Facebook. Exactement. Caribzik.com et surtout nayaradouvoyage.com où vous pourrez passer commande, réserver vos cabines triple, double, quadruple pour l'année prochaine. D'où que t'aies besoin de booker, en fait, Narayadou Voyage. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Naya Radou. Merci d'avoir été avec nous, Mathieu. La semaine prochaine, on recevra Brice parce qu'on a encore des nouvelles à annoncer. Forcément, les premiers tarifs sont hyper rapide à décoller. Il faut absolument que vous appeliez, que vous joigniez Naya Radou Voyage. Empêchez-le de dormir, s'il vous plaît. J'adore Brice, mais j'adore l'emmerder aussi, justement parce que emmerdez-le au maximum. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mathieu. Merci à vous. Vous en saurez plus dès les semaines qui suivent, dès les jours qui suivent également en matière d'activité à bord du bateau. Cette année, il y aura, on l'évoque très rapidement, du spectacle dans la salle des spectacles de cet énorme bateau qu'est le MSC Poesia. Exactement. Il y aura du stand-up, il y aura pas mal d'activités, un programme à ne pas manquer, Caribzik 2017. Merci d'avoir été avec nous, Mathieu. Merci à vous. Pour ceux qui veulent déjà embarquer, qui sont déjà certains, faut y aller, les gars. La semaine prochaine, on aura des nouveautés à vous annoncer. D'ici là, on est en mode cocotteur. On va appeler Lolo Chaud que j'ai chauffé toute la journée. Ouais, là, c'est bon, t'as envie de te libérer un peu, on appelle en direct. C'est parti. C'est la hotline des cocoteurs. Oui. Ouais, Lolo Chaud, comment tu vas? Ah là là, en pleine forme, mais... Ben là, je suis couché sans moi. Lolo Chaud. Ton Lolo est vraiment chaud. Oui, on veut vraiment dire ça. Ton pseudo, ça reflète vraiment comment tu es. Ça reflète, on va dire, 30%, 40%. Et je suis vorace, ministre de la... C'est vrai. Là où tu es en ce moment, je serais venu t'enlever ta culotte. Et en même temps que je t'enlève, je passe ma langue sur tes cuisses. Mais en même temps, je te caresse tes seins. On t'aurait intérêt de bien serrer ma tête. Que je te lâche. Et surtout ensuite, je te ferai t'asseoir sur ma bouche. Tu pourras danser comme tu veux sur ma langue, à condition que tu la mouilles bien. J'imagine ton joli petit cul. Ah ouais, tu peux l'imaginer, tu vas le manger. Ma langue n'arrête pas de tourner dans ma bouche depuis tout à l'heure. Tu m'excites tellement que je suis en train de me dilater. Ah, tous mes trous sont en train de s'ouvrir, rien qu'à ta voix. Je te retourne et moi je te massacre. Et en fait, moi je sais pas trop comment te dire ça, donc je me lance. J'ai une particularité physique, c'est que mon nombril n'a pas de fond, donc on peut me pénétrer par le nombril. Ouf. Ah bon? Alors là, c'est tout ce que je demande. Raccroche, je suis mort de rire. Raccroche. Hugo. Mais c'est dégueulasse. Hugo. C'est oui. C'est dégueulasse. Hugo, tu kiffes en fait, en vrai. Non, c'est marrant. Hein, c'est marrant. Oui, c'est super drôle. C'est super dégueulasse. Drôle. Où est-ce que tu as pris l'idée du nombril sans fond? Ah, j'en sais rien. Oh, vas-y, tu expliques. Non, c'est sorti de mon chapeau. Ben, c'est des fantasmes bizarres. Des fantasmes bizarres, on en parlera demain avec Jackson. On se retrouve demain, même heure, même antenne, ici même sur Trace FM. Bonne soirée tout le monde, ciao. Bye bye. Soir. Ta radio se lâche, tu peux tout nous dire. Trace FM. It's about that time. What time is it? Don't let them make you regret it, they'll be fake if you let them. Don't let them make less out of something that means so much to you. I wanna make you feel comfortable. Girl, you know I fuck with you. Like summer school and Lunchables. We the untouchable, yeah. You don't have to suffer, no, yeah. I was made custom for you. Only give my love into you. You my only one. You my number one. You're 101. I wanna go 101 with you. 101. And I want you to want me too. You're 101. I wanna go 101 with you. Take the thug in me and put some in you. Now you wearing bandanas, rocking your man's flannels. Flight to Dubai, gotta pop a Xanax. Me no love for them body boy antics. Go make me you poor choppers out the attic. I'm a savage, straight savage. Yeah, they laughed at my dreams of living lavish. Be no pretender, we both remember. All these hoes was ghosts before I had the phantom. Before I had the gram, I couldn't get at them. Before I rock rings like Saturn. They ain't wanna hang out when I try to plan it. That's why I give all I have to you. Then I know I got the juice. Then I know. Then I know I touch money like masseuse. I was made custom for you. Only get my love. I wanna go 101 with you. Back to the front with you. Yeah, grind and bond with you. You 101. I wanna go 101 with you. Back to the front with you. Don't have to front, it's true, yeah. You're 101. I wanna go 101 with you. And I want you to want me too. I wanna go 101 with you. I know Sammy the Road King, dog. Introducing Bambi. Get away. Dédicacé pour toutes les real wifey connectées sur Trace FM, you know what I mean? From Guadeloupe, Martinique, Guyana. Are you ready? Real wifey, pas qu'à fight over man. Mon paquet goumé qui est au juste pour nom. Tu peux faire tout aussi magri. Voyez ton commentaire, mais des pito patates de bad one. Real wifey, pas qu'à fight over man. Mon paquet goumé qui est au juste pour nom. Tu peux faire tout aussi magri, voyez tout commenter. Mais depuis ton badesh, mon bad girl. Monzel San, you are the official wifey. Pas speed, moi ça veut pas cheer, don't like me. T'es qu'à parler, parler à yang, ça yo prof. Mais si yo vin trop proche, moi même pas qu'est pas les trop. Yo papa itch, you are the official wifey. You can snitch, l'homme au cas des sons, qu'on like. Tout qui vin rele, rele, devant moi la pote. Mais moi j'adis dans vos pièces, non, moi pas qu'à faire les girl wifey, pas qu'à fight over man. Moi pas qu'est gouma keto, juste pour nom. Mais fais tout aussi magri, voyez tout commenter. Mais des pitots patates de bad one. Real wifey, pas qu'à fight over man. Mon paquet goumé juste pour nom. Tu peux faire tout aussi mal gris, voyez tout commenter. Mais depuis ton bad bitch, mon bad girl. C'est for my mother. Il est fait mon tour de murder. Il y a trop de ma sous la terre. Pour seul prendre mon tech et couille et not life. Mon chat dit Aroun, man on my life. Il faut y respect. Si pas les pièces, problème. Parce que your wife il pas qu'à fight over man. Mon paquet goût maquette au juste pour nom. Tu peux faire tout aussi ma grille. Voyez ton commenter. Mais des pizzas pas touch de bad one. Mon paquet goût maquette au juste pour nom. Tu peux faire tout aussi ma grille. Voyez tout commenter. Mais depuis ton bad bitch, mon bad girl. Manzels and you are the official wifey. Pas speed, moi savais pas cheer, don't like me. Qu'a parler, a yang ça yo prof. Mais si yo vin trop proche, moi même pas qu'est pas les trop. Yo pape itch, you are the official wifey. Yo ka snitch, l'homme au cas des sons qu'on like. Tout qui vin rele, rele d'ouvant, moi la pote. Mais moi j'adis dans vos pièces, non, moi pas qu'à faire les real wifey. Fight over man. Mon paquet goût maquette au juste pour nom. Tu peux faire tout aussi ma grille. Voyez tout commenter. Mais des pizzas pas touch de bad one. Real wife y'a pas qu'à fight over man. Mon paquet goût maquette au juste pour nom. Tu peux faire tout aussi ma grille. Voyez tout commenter. Mais des pizzas pas touch mon bad girl. C'est for my mother. Il est fait mon tour de murder. Il y a trop for ma sous la terre. Pour seul prendre mon tech et couille et not lunch. Où j'ai dit Aroun. Man on my life, il faut y respect. Si pas les pièces, problème. Parce que your wife, il pas qu'à fight over man.